Vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Toutes les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les blancs! Que Dieu vous tue! Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 44. Je suis heureux de vous retrouver, comme d'habitude, et je vais procéder au rappel traditionnel. Vous pouvez, devrais-je dire, vous devez nous contacter sur notre adresse email à démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, je répète. Démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je vous invite aussi à nous suivre sur notre site internet, démocratieparticipative.biz, B-I-Z. Faites-le partager, voilà la petite adresse tranquillement, voilà, par email, voilà, évidemment, c'est pas la peine de partager ça sur vos murs Facebook, je veux dire, tous les articles, bien sûr, vous pouvez si vous le souhaitez, mais c'est pas une obligation. Et nous avons aussi une chaîne PewTube, P-E-W.tube, comme un tube ou YouTube, où vous retrouverez à partir de... Maintenant, ça fait deux émissions, donc la troisième émission, vous retrouverez nos émissions disponibles sans censure. Donc elles seront durablement là-bas, et pas sur YouTube, car comme vous le savez, YouTube est passablement influencé par les Juifs. Influencé par. Alors, je vais présenter nos membres. Je vais commencer, puisqu'il s'est révélé sortant de l'ombre avec son poignard, d'Eric, qui son Luger, hein, voilà. Ah bah ouais, je l'ai fauché à Fulbert. Ouais. Oui. Et puis surtout, t'es quand même à Munich. Quand même un peu le lieu, voilà. Alors, Derek, comment vas-tu? Ah bah écoute, moi je pleure comme toute la France. La France entière. La Belgique, la Suisse, le Québec. Voilà, et comme Guy Gilbert, je pleure. Quel âge a cette vieille merde de Guy Gilbert, question? Ah bah il s'appelle le Juif Ferrand, à partir de ce moment-là, on ne compte plus. Il s'appelle le Juif. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Juif. Ah non, mais c'est comme le Juif Ferrand. À partir d'un moment, on compte plus l'âge. Moi, je prendrais bien quand même. Mais j'enchaîne sans transition aucune avec Fulbert qui, maintenant, puis-je l'annoncer, Fulbert? La cave est prête. La tuyauterie est solidement vissée. C'est bon, ça fonctionne. T'as fait des tests? Non, pas encore. Je manque de volontaires. Bonjour à tous. Pour les tests. Mais attends, on peut avoir des volontaires contraints aussi, hein, c'est possible ça. Vincent Renoir est partant, je crois. Non, lui, c'est le théoricien. D'accord, Fulbert. Alors, à part ta cave qui a l'air opérationnelle, mais qui manque de volontaires, mais ça, on pourrait t'en fournir. Comment vas-tu? Tout va bien. Désolé, il y a eu une coupure. Tout va bien, merci. Tout va bien, formidable. J'enchaîne avec Argyle, qui nous rejoint pour cette émission. Argyle qui est connu pour sa générosité, son empathie naturelle. C'est quelqu'un qui tend la main facilement. Il est impliqué dans des causes humanitaires, d'ailleurs. Tu vas souvent au Mali ou en Côte d'Ivoire, j'ai oublié. Enfin bref, Argyle, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Bon, par contre, je te demanderais de ne pas trop parler de ma vie privée, de mes engagements humanitaires en Afrique particulièrement, parce que c'est quelque chose que je tiens à garder. C'est mon jardin secret, en fait. Oui. Je ne tiens pas à ce que ça se sache, parce que voilà, on voit trop de gens qui étalent leur, leur générosité devant tout le monde, leur besoin d'aller d'aller aider les autres, bah moi je le fais dans l'ombre et je me rends régulièrement en Afrique pour aider des peuplades, l'Afrique berceau de la civilisation, et d'aller aider des gens qui ont besoin de nous, et on a des choses à se faire pardonner là-bas. Donc d'ailleurs je vais aller prochainement au Burkina Faso consoler les gens que notre président de la République a humiliés. Donc voilà, mais je tiens à ce que ça reste entre nous. Ah bah ça, c'est une bonne initiative, parce que beaucoup de gens ont été blessés, on en a parlé dans la dernière émission, par les propos absolument inqualifiables d'Emmanuel Macron, président de la République française, qui a quand même heurté l'ego et la fierté du peuple africain. Hein. Donc c'est bien que tu ailles sur place t'excuser. Oui, hein, alors fais attention à ne pas trop t'excuser, sinon tu risquerais de finir au Front National. Hein. Faire gaffe. Je serai accompagné de membres du Front National. Ouais. Ah d'accord, ah oui, une délégation. Oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Avec des membres de D'où la France aussi, du conseil. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Bah il a sauvé l'honneur hein, de la France à cette occasion, ouais, c'est vrai, effectivement. C'est bien. Avec bon, peut-être Philippot, les patriotes. On te laissera nous raconter tout ça par le menu. J'enchaîne avec Léon. Comment vas-tu, Léon? À merveille, Gandalf, cher guide suprême et grand cheminot. Conduis-nous vers le travail et la liberté, et que ta chaudière soit toujours remplie de charbon et tes réserves bien pourvues en zyklon. Chaque semaine, c'est de plus en plus flamboyant. Moi, j'adore. J'aime bien. Je veux les feuilles de chêne. Gimli devrait nous rejoindre quand il aura fini de déplacer ses armoires et autres meubles. Hein. Bois d'ébène, peut-être. Que savons-nous, après tout? Que savons-nous de ce que trafique notre cher Gimli, hein, peut-être vend-il des nègres à la sauvette, on ne sait pas, on verra, on découvrira ça plus tard, mais il est censé être avec nous, j'ai confiance. Alors, je vais commencer cette... je vais commencer d'abord l'émission par une remise de médailles. Alors, il y en a plusieurs à remettre, mais aujourd'hui, je remettrai qu'une, mais une magnifique médaille. Une magnifique médaille à Rastadolf. C'est ainsi que ce brave citoyen participatif, et pardonnez-moi, a signé son crime humoristique, qui est la visite de son quartier rénové, quartier de 5000 habitants, précise-t-il. Donc il nous a écrit sur l'adresse de démocratie participative, il nous a expliqué, voilà, il dit, voilà, je vis près d'une réserve de nouveaux Français, de nouveaux compatriotes, c'est un petit aperçu de la France du futur. J'ai voulu vous en faire partager quelques images, et vous allez voir, c'est très parlant. Alors, c'est un quartier de 5000 habitants, précise-t-il, qui a été rénové pour la modique somme de 100 millions de... Alors, je vais pas dire de francs CFA, mais 100 millions d'euros. Hein, 100 millions d'euros. Donc, rassurez-vous, je veux dire, les efforts de la France pour le tiers-monde et les économies en voie de développement se situent aussi sur le territoire français. Alors, donc, si vous avez... Parmi vous, là, une cousine qui se sent une vocation humanitaire, enfin envie de torcher le cul d'un négrillon, eh bien, dites-lui qu'il y a des possibilités sur le territoire français, de plus en plus nombreuses d'ailleurs. Et alors, Rastadolf nous a fait un montage absolument délicieux, commenté en direct. Hein, il prend sa voiture, c'est un petit peu comme GTA, si vous voulez, mais commenté, et avec de la musique. Alors, bon, on va mettre un petit extrait, là, juste pour donner un petit soupçon, un petit peu d'envie, hein, comme dirait l'autre, envie d'avoir envie, hein, peut-être un petit peu. Alors, un petit extrait, et ensuite, remise de médaille solennelle. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Bah tiens, regarde, Bamako sur son motocross, là, avec sa cagoule vissée sur la tête qui laisse apparaître que les yeux. On dirait qu'il va aller faire un braquage, le gros négro, là. Putain. Thank you. entendre voix d'équipage. C'est quoi ça? La vieille algérienne? De la Rome? Des croûtes qui battent peut-être? Alors, avant la remise de médaille quand même, je vais demander le... Allez, à nos participants, est-ce que vous avez aimé ce montage participatif de Rastadolf? Alors oui, moi, ça, j'ai pas mal apprécié, effectivement. Ça m'a rappelé, quand j'étais petit, que j'allais faire des balades dans les eaux. Il fallait surtout pas ouvrir les fenêtres pour pas que les singes ne viennent dans la voiture à t'arracher le bras. Oui. Ah, très beau, très saccadé, avec les bamboulas qui débaroulent sur des trucs à deux roues. Avec des habits improbables en plus. Hein, ouais, ouais. Des espèces de djellaba, de trucs. Avec le tout avec une musique, je crois que c'est avec du reggae, ce truc. Cool. Ouais, Bob Marley, les Wailers. Qu'est-ce que tu crois, donc, musique africaine dans une réserve africaine, ma foi, c'est quelque chose qui va bien. Et terrain sportif homologué. Ah bah oui, homologué par FFF, la FIFA, etc. Ouais. Non, mais attention, c'est le grand standing. Là. Ils vivent dans des trucs. Moi, je savais même pas que ça existait. Je savais même pas qu'on pouvait homologuer des terrains, moi. Parce que chez nous, moi, dans mon village, vous voyez, ils ont vaguement fait un terrain, enfin deux terrains en parallèle. Je sais pas, il y a peut-être. Ouais, c'est un terrain que tu partages avec les vaches, quoi. Voilà, il y a 40 ans, ils ont fait passer des rouleaux compresseurs dessus. Ils ont balancé du gazon, voilà, c'est les mêmes buts en plus depuis que je suis né, donc imaginez quoi, ça fait un bon moment. Hein. Et ils sont rouillés d'ailleurs, hein. Les filets, il n'y en a pas. Et les jeunes du village, ils jouent là-dedans. Bon, c'est un village peut-être de 3000 habitants. Bon, les jeunes, voilà, enfin le club se sert de ça. Moi je trouve que c'est des installations qui sont assez sommaires, mais assez propres. Mais alors, eux, ils ont le truc, vous voyez, avec la surface, le machin, avec le nec plus ultra, quoi, pour que des nègres tapent dans des balles, quoi. Mais que sinon, ils crament des bagnoles. Et je vais pas m'étendre, mais c'est quand même un signal qui est envoyé. C'est-à-dire que plus tu crames, plus tu touches. Plus tu crames, plus ben oui, en plus, ils ont droit à des locaux associatifs, hein, n'est-ce pas, hein, ben oui. Qui sont en fait des mosquées, hein, simplement. Voilà. À côté des de la boucherie halal et du café, effectivement, où on ne boit que du thé. Ah oui, il en parle de ça. Ouais. Alors ça, c'est assez intéressant, le grand remplacement du petit commerce. Oui, il dit ça dans la vidéo. Il dit, il y a 20 ans, là, il y avait une boucherie française, là, il y avait une boulangerie, etc. Et là, c'est intégralement remplacé par... par le Moyen-Orient, hein. Là c'est... Ouais, c'est... Argyle, tu voulais aussi commenter cette belle réalisation du citoyen participatif Rastadolf. Oui, sa médaille est amplement méritée. Dans cette vidéo très agréable à regarder, enfin un peu effrayante quand même, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'au début, il arrive à croiser des individus improbables, enfin à tomber sur des trucs, mais c'est pas, y a pas de coupure. La première coupure arrive assez tardivement, c'est-à-dire que il a pas préparé, c'est pas des figurants, c'est pas un film, et il traverse. Là, quand il croise le noir à moto dans une combinaison blanche, je crois, enfin il me semble, c'est pas prévu, à moins que le noir peut-être tournait depuis un moment, mais voilà, quand au coin de la rue il voit deux noirs en train de dealer, enfin voilà, je trouve que c'est pas des figurants, c'est qu'il passe dans ce quartier-là, il se passe ça en direct au moment où il tourne son truc, donc ça donne quand même un côté de vie assez agréable, assez alléchant de vivre ensemble. D'ailleurs, je pense pas qu'il croise un seul blanc. Hein. Là, c'est peut-être un petit problème. Alors, peut-être que les rares blancs qu'il y a dans ce quartier, c'était parti travailler à ce moment-là. Je ne sais pas. Et vraiment, voilà, c'est bien, c'est très pédagogique. Faut faire voir ça aux gens qui croient que ça n'existe pas. Et ben si, en plus, c'est un petit quartier dans une grosse ville. Hein. Donc, c'est-à-dire que des quartiers comme ça, il y en a des centaines, voire des milliers en France. Bah, je trouve ça, c'est surtout, j'ai bien aimé le côté un peu GoPro de la vidéo, donc vraiment bien. Ah, c'est une vidéo de l'extrême, hein. Ah oui, bah là, il y avait un côté Ushuaïa dans mon froc, là, dans le truc, là. Rappelez de ça, le sketch d'un côté Ushuaïa. Oui, voilà, vaut mieux qu'il tombe pas en panne. Oui, c'est ça, ouais, c'était vraiment bien. Alors, du coup, remise formelle de médaille à Rastadolf, hein, qui se reconnaîtra. Camarade, tu as reçu ta croix de fer de deuxième classe. J'aimerais la donner de première classe, mais malheureusement, il faut faire un deuxième effort pour l'atteindre, la première classe. Donc, mais une belle croix de fer deuxième classe, tu rentres dans le panthéon de démocratie participative. Nos lecteurs vont apprécier cette performance, je veux le croire. On la mettra en lien d'ailleurs dans l'émission. Comme ça, elle sera vraiment appréciée amplement. Hein. C'est absolument certain. Alors, nous allons entamer tout de suite cette rubrique, enfin cette émission avec la rubrique numéro 1, autisme radical. Et sans tarder, immédiatement, nous allons parler de la représentation diplomatique australienne en France, et plus spécifiquement à Paris. Et vous allez me dire, de quoi parle ce con? Je ne comprends rien. Effectivement, vous ne comprenez rien de ce que je vais vous dire, mais un petit extrait, et avant, je vais vous expliquer juste ce qui se passe. En fait, l'ambassadeur d'Australie en France, qui visiblement n'avait rien d'autre à foutre, à l'annonce de la légalisation du mariage des fiottes dans son pays d'origine, donc le pays des kangourous, hein, voilà, a demandé en mariage la tapette qui tapait ses notes dans son bureau. Alors, je ne mens pas parce qu'il l'a fait en direct sur Twitter. Hein. Donc, le représentant, l'ambassadeur d'Australie en France, on en est quand même là, hein. L'ambassadeur d'Australie en France, dans les minutes qui ont suivi l'annonce de la légalisation du mariage des fiottes, a demandé en direct, en vidéo, sur Twitter, la grosse tapette qui l'accompagne depuis de nombreuses années. Et alors, ça se termine par des effusions de caca. Voilà, un petit extrait en langue anglaise, hein, mais juste pour que nos auditeurs se... pour qu'ils sentent un petit peu le truc, voyez, pour qu'ils se... tu vois, allez, on écoute et on se retrouve. Thomas, nous sommes ensemble depuis 11 ans. Et étant donné que le Parlement australien vient d'approuver mariage pour tous, désolé, je suis un peu neveu, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu feras me plaisir de m'épouser? J'espère que c'est la bonne question. Alors les gars, cette belle demande en mariage à Paris avec la belle tour Eiffel derrière, c'est romantique. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, ça... Qui veut s'exprimer? Argyle, allez, Argyle, c'est pour toi. Argyle. Ah, j'ai vu ce truc là, et vraiment là, j'ai plus de mots quoi. On est arrivé à un stade, je crois que c'est bien que beaucoup de nos anciens soient partis, soient plus là pour voir ça, ou peut-être ils voient ça de loin, vu du ciel, mais là on est arrivé à un tel degré de dégénérescence, d'apocalypse. Voilà, là on est au cœur de l'apocalypse, on est au sein voilà, d'instances, d'institutions. Il y a deux pédales qui se demandent en mariage et tout le monde qui applaudit, les larmes. Enfin, là, c'est plus possible. Quoi. On arrive dans une sorte de sketch abominable qui signifie, je pense, la fin de l'humanité. Ceux qui veulent prendre leur revanche sur les Blancs, quand ils voient ce genre de choses, je pense que ça doit beaucoup, beaucoup, beaucoup les motiver en se disant « ça va être beaucoup moins compliqué qu'on ne pensait, on va pouvoir franchement se les faire sans trop de problèmes ». Donc voilà, je trouve ce genre d'image et voilà, c'est une invitation pour les peuplades primitives et haineuses à détruire définitivement la race blanche plus vite que prévu, de peut-être même pas attendre que ce se fasse par les ventres, mais que ça puisse se faire à coup de machette très prochainement sans trop de problèmes, parce que quand on montre ce genre d'image, quand voilà, les médias, enfin voilà, tout le système met en avant ce genre de truc immonde, ce genre de saloperie, et ben voilà, ça donne, c'est-à-dire qu'on va, notre civilisation risque de disparaître encore plus vite, à moins évidemment que nous ne remettrions de l'ordre et que ce genre de tarés qui exhibent leur dégénérescence comme ça soit soigné à coup d'électrochoc ou de camp de travail. Je crois qu'il faudra des solutions radicales pour redresser la glorieuse civilisation européenne. Voilà, c'est bah là il faudrait souligner déjà la culpabilité des autorités françaises. Mais comme les autorités françaises ont elles-mêmes ratifié le mariage des sodomites, évidemment, elles ne vont pas rappeler à l'ordre celui qui représente l'Australie en France. C'est tout à fait clair. Donc il n'y aura pas de remise, il n'y aura pas de recadrage. Mais ce monsieur confond absolument les gens. C'est le côté tapageur, voyeuriste, exhibitionniste aussi, des PD et des pédales. C'est vraiment, ils ont besoin de se montrer, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être approuvés. Et donc, voilà, ils s'y mettent et ils prennent en otage, du coup, des nations entières, des États entiers. Et comme tu le dis, ils envoient des signaux. Voilà ce qui se passe quand on laisse les PD faire un petit peu ce qu'ils veulent. Alors, j'enchaîne avec Léon. Et puis ensuite, Derek. Ben là, ce que j'ai pu comprendre, c'est, dans le fond, il saute son secrétaire depuis 11 ans. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un emploi fictif, peut-être, gagné par des faveurs sexuelles? Et dans 10 ans, est-ce que ça finira pas sur hashtag balance ton porc et en plainte aux criminels? Je trouve ça louche, tout ça. Oui. Derek. Ce qui est important à noter, c'est le médium utilisé par le PD en question pour faire son show. C'est-à-dire que c'est le compte Twitter officiel de l'ambassade australienne, en France. C'est-à-dire que c'est la représentation diplomatique officielle, c'est pas lui en son nom propre. Et il fait ça, et puis voilà, c'est merveilleux. Et le gouvernement français apparemment retweet, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Donc bon, c'est tout va bien. C'est-à-dire, en fait, il y a une privatisation des gouvernements par le lobby anal. On en est là, voilà, bonjour, oui, bah, c'est à nous, voilà, l'État est à nous, le gouvernement est à nous, on fait ce qu'on veut. Regarde ce que j'ai mangé à midi. Et en plus, vous savez, parce que si vous regardez sur Twitter, Instagram, etc., il y a un côté vachement voyeuriste et exhibitionniste, les deux allant avec. Vous trouvez ça beaucoup chez les femmes qui sont sur Instagram, etc. Ma dernière coupe, mon dernier truc, tu vois. Et c'est ça le fiotte. Ressentent le besoin compulsif de montrer ce qu'ils font et de confondre leur leur compte Instagram avec un compte gouvernemental, quoi. Et évidemment, comme il n'y a pas de frein interne, il y en a plus. Tout d'un coup, vous avez des gouvernements entiers qui sont pris en otage par ces dégénérés, par ces malades mentaux. Et le visage de l'Australie, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un. Et rappelez-vous. Quand Trump, durant les élections avec Trump aux États-Unis, quand on avait j'ai oublié son nom d'ailleurs, l'ambassadeur de France aux États-Unis, qui était exactement dans la même logique, quoi. C'est-à-dire que le type avait transformé le compte de l'ambassade de France aux États-Unis en annexe du compte Twitter du MJS. C'est une espèce de fiotte complètement hystérique, insultant Trump, le traitant de tous les noms. Enfin, on ne savait plus si c'était le compte d'un militant socialiste ou le compte de celui qui représente le gouvernement français et la France auprès des États-Unis, quoi, avec qui est quand même des relations bicentenaires. Bon, on peut quand même s'attendre à un certain niveau de courtoisie et de décence, pas du tout, quoi. C'était vraiment et en plus c'était un PD encore, c'est une espèce de grosse fiotte, les cheveux très coupés, très courts, etc., gna gna, machin, avec l'hystérie caractéristique des sodomites, quoi. Et le mec vitupérant contre Trump, et c'est incroyable, ce type devrait être en taule. Et de la même façon, celui-là, quoi. Et on va pouvoir se poser la question, hein. Le corps diplomatique est-il un repère de sale tarlouse? Et si oui, comment fait-on pour régler le problème? Hein, je pose la question. Si quelqu'un veut enchaîner sur... Moi, ça m'a donné envie de vomir. Hein. Bah, pour répondre à ta question, quelques nègres sidaïques bien dispersés au bon endroit, et puis le problème est réglé. Oui. Je crois que ça ferait mouche. Thérix nous a rejoint, je le précise, entre-temps. Oui, d'ailleurs, ouais. Je tiens à dire que ça suffira peut-être pas de ramener des nègres, parce qu'il y a des... J'ai appris qu'il y avait des guerres racistes aussi, j'ai vu ça sous une vidéo, je sais plus laquelle, cette semaine, mais j'ai vu qu'il y avait parce des gays rend... qui nous demandaient, qui disaient « Eh les gars, nous on est gays, on aime s'enculer, mais on aime bien s'enculer entre blancs, est-ce qu'on est bienvenus chez vous et tout ?» Jamais, j'ai pas vu ça, moi. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Mais des gays de droite, il y en a. Enfin, non, pas des gays, j'aime pas le mot gay. Des homosexuels de droite, il y en a. Ça n'enlève rien au fait qu'ils soient sexuellement dégénérés. Bon, voilà. Désolé, mais oui, on en a. Charles Trenet, on en a quelques-uns. Hein. Pascal Sevran. Pascal Sevran a sorti une des plus belles phrases, hein, sur toute l'Afrique en 2000 ans. Le problème de l'Afrique, c'est la bite des nègres. C'est quand même Pascal Sevran qui l'a dit. Hein. Bon, alors, si les homosexuels échappent à la purge, ce sera grâce à Pascal Sevran. Je me dois de le souligner. Je me dois de le souligner. Alors, non, juste un tout petit truc. Par contre, une minuscule digression sur la politique et les PD, si tu veux. Moi, je pense que un PD, bon, de toute façon, s'il est dans sa condition de PD, et s'il met en avant sa condition de PD, il peut être que nuisible politiquement. Mais en revanche, ils ont un truc qui peut les rendre intéressants politiquement dans une zone aussi troublée que la nôtre, c'est que les PD n'ont pas d'avenir, donc ils n'ont rien à perdre, quoi. Donc un PD qui partage tes idées, il peut aller beaucoup plus loin que quelqu'un qui est tenu, qui a trois bouches à nourrir, qui tous les jours a envie de rentrer vivant pour voir ses gamins, quoi. Un PD, il en a rien à foutre. Un peu comme Renaud Camus, soir, finalement. Okay. Un peu comme Renaud Camus, celui qui a lancé le slogan, le concept, ou plus ou moins la description du grand remplacement. Ah bah voilà, ouais, j'avais pas pensé à lui, quoique je le trouve pas si courageux que ça, mais malgré tout... ce concept qui était quand même courageux, qu'il était courageux d'évoquer, surtout dans la France actuelle, c'est quand même venu d'un PD, quoi. Ouais, bah ouais, à noter. Alors, sujet numéro 2, chers amis, alors là, c'est la rubrique émotion. Hein. C'est un petit peu, c'est pas les feux de l'amour, mais c'est un peu les feux de l'amour quand même. C'est le moment où vous allez sortir vos Kleenex. Voilà, il va y avoir de l'empathie. Et je vous invite à la partager. Alors, c'est un magnifique article, écrit par, enfin, qui a été publié par le journal Le Télégramme, un journal de la partie occidentale de la Bretagne, basé à Morlaix, bon, à côté de Brest, pour ceux qui ne sont pas familiers. Mais c'est une belle tranche de vie, et c'est surtout aussi un petit peu une lueur d'espoir dans un monde qui est quand même assez sinistre, faut bien le dire. Et alors, ça s'intitule comme ceci, piraterie, point, piraterie, point. Donc le sujet, quoi, piraterie. Mohamed, loin des vents mauvais. Mohamed, okay. Méditez sur ce titre. Alors là, je vais vous livrer la vie de Mohamed pour laquelle se mobilise le Télégramme, parce qu'il y a une mobilisation. Alors, préparez-vous, parce que c'est assez caustique. Je ne vais pas vous la faire en entier, je vais prendre juste les meilleurs passages. Alors, Mohamed Mahamoud était pêcheur en Somalie. Des vents mauvais l'ont entraîné vers la piraterie. Un homme est mort par sa faute. Il a été jugé, condamné. En prison, une femme admirable l'a pris sous son aile. Un récit graphique retrace la trajectoire de cet homme au bras de mer, aujourd'hui compagnon d'Emmaüs à Quimper. En ce début d'après-midi, Mohamed Mahamoud flotte dans son pardessus un peu démodé. Assise à ses côtés, Marie-Vonne Le Naour lui jette un regard protecteur. La connivence est évidente. Qu'elle doit paraître lointaine, leur première rencontre à l'été 2009. La retraitée s'était proposée pour remplacer un professeur de français à la prison de Plumeur, dans le Morbihan. Elle y croise Mohamed Mahamoud, isolé, déboussolé, annonçant les mêmes mots. C'était « je veux téléphone maison », c'était un peu ça. Un peu comme E.T., j'étais désarçonné, se remémore Marie-Vonne. Depuis, Mohamed Mahamoud a pu joindre sa mère là-bas en Somalie. Mais envisager son retour dans ce pays en proie à la guerre civile et à la famine est hors de question, apparemment. Les chebabs ont mis sa tête à prix. Les donneurs d'ordre de la piraterie aussi. Oui, parce que c'est une prise de guerre importante. Le petit pêcheur ne leur a pas payé sa dette. En 2004, Mohamed était un homme acculé, son bateau acheté à crédit à Rassan, l'homme fort du village, a été emporté par le tsunami. Abruti par le rat, dont il mâche les feuilles pour évacuer la fatigue et la faim, il a accepté de l'argent pour nourrir sa famille. En échange, il devait embarquer à bord d'un canot pneumatique avec des kalachnikovs et juste assez de carburant pour atteindre la cible, un porte-conteneur. Le voilà pirate. Donc pirate sans le vouloir, pirate malgré lui, piraterie sans l'aimer, quelque part. C'est un petit peu l'idée. À l'insu de son plein gré. À l'insu de son plein gré, voilà. Alors ça se poursuit, hein. Ils sont 5 sur le coup, mais leur échelle d'abordage se révèle trop courte. Ils dérivent et le 4 avril 2009 croise le Tanit, un voilier français qui a quitté Vannes quelques mois plus tôt. À son bord, 4 adultes et un garçonnet. Ils les prennent en otage. Après une semaine de vaines négociations, un commando de l'armée française donne l'assaut. 2 des 5 pirates sont tués, ainsi que le skipper, touché par une balle française dans le feu de l'action. Je porterai ça toute ma vie, d'avoir pris un fils à sa mère. C'est notre faute. Jamais on n'a pensé qu'on croiserait un destin comme ça, dit Mohamed. Les 3 pirates somaliens découvrent les prisons françaises au centre pénitentiaire de Pleumeur. Mohamed va croiser Marivonne. La Finistérienne est touchée par sa volonté farouche de parler notre langue, par son désespoir aussi. Peut-être suis-je très maternelle. Depuis, j'ai pris du chant, assure-t-elle, qui, pour le comprendre, plonge d'abord dans le livre. Moi, Osman, pirate somalien, de l'amiral Laurent Méret. Puis, dans l'étude des droits des prisonniers étrangers. Leur complicité vient de débuter. Elle est au cœur de la bande dessinée, donc, qui a été réalisée pour rendre hommage aux pirates responsables de la mort d'un Français. L'homme au bras de mer, ça c'est le titre, qui vient de sortir aux éditions Futuropolis. Marseillais Thomas Azuelos en a dessiné les contours à l'aquarelle pour communiquer l'humanité de ce bonhomme et de Marivonne qui m'a dit que je lui ai fait jouer le rôle de sa vie. S'amuse-t-il ? Bon. Alors je vous passe le reste. Il a été libéré, pris en charge par Emmaüs, et maintenant il vit très calmement à Quimper. Pris en charge, logement, nourriture... tout ce qui s'ensuit, célébré par la presse, c'est un article du Télégramme, hein. c'est romancé, c'est le Télégramme qui le met en avant, mais d'aucuns pourraient se dire, mais c'est marrant, parce qu'il y a peut-être des gens qui, eux, viennent de Bretagne, mais par exemple, ne peuvent plus y revenir, exactement, et qui sont insultés par le même journal. Alors, qui, je ne sais pas, ça, c'est... mais je sais, j'ai eu vent de ça. Voilà. Ouais, mais alors, ouais, les gens, il faudrait qu'ils... Il faut tuer des gens, quoi, c'est tout. Il faut être sommelier. Vos réactions. C'est bien. Alors Derek, ouais, alors c'est donc en fait on a affaire à au responsable de la mort d'un Français. Moi j'aime bien là, le début, c'est oui bon ben il est là, il sait pas pourquoi, puis d'un coup il se réveille le matin et Kalachnikov il est sur un bateau. Il a rien fait, d'une nuit alors tu vois, c'est dans son sommeil, puis hop le matin il a une Kalachnikov et pourquoi, que faire, ben maintenant que j'y suis, ben j'y reste. Que, commençons par le commencement, on vous explique que le type, pour nourrir sa famille, est devenu pirate contre son gré. Donc il a été séparé de sa famille, en fait, en dépit de sa volonté, quoi. Maintenant qu'il est en Bretagne, après avoir été libéré, très curieusement, il ne veut pas rentrer dans son pays pour retrouver sa famille. Non, ça n'intéresse pas tellement, en fait. Non, je n'en ai rien à foutre, voilà. Parce que sa tête est mise à prix par les shébabs, les islamistes, quoi. Genre, les islamistes ont quelque chose à foutre d'un tocard, on ne sait même pas d'où il sort, etc. Voilà. Et donc, la communauté française, au sens large, va devoir prendre en charge le bonhomme, et on lui trouve un job bidon à Quimper, à Emmaüs, pour aider d'autres métèques qui viennent nous envahir. D'après ce que j'ai compris, il a été condamné en 2013 à 9 ans de prison. On est en 2017, c'est bizarre. Bah oui, c'est bien, c'est génial la France. Hein. Voilà, c'est-à-dire en fait, tu purges pas. C'est que t'arrives, hop, t'es libéré, bonjour, et t'as la presse qui fait la retape. Donc tu tues des gens, ou t'es responsable de la mort de gens. T'es un pirate en Somalie, tu tues des gens, ou t'es responsable de la mort de Français. Tu arrives en France, on te juge. Ah machin, ceci, cela. Bon, 5 ans plus tard, t'es libre. On te renvoie pas dans ton bled à la con, Parce que, ah oui, mais les droits de l'homme, ah oui, les droits de l'homme, c'est vrai. On t'embauche dans un plan bidon à Emmaüs, où tout est intégralement financé par le contribuable, via les départements et compagnie. Parce que Emmaüs, c'est une truanderie communiste, financée par le contribuable français, évidemment, les artisans, tous ceux qui vous écoutent, voilà, qui cotisent, voilà, vous payez pour cette merde. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils aident d'autres métèques à venir vous envahir. Parce qu'Emmaüs, c'est ça. Parce que moi, je peux vous le dire, les gens d'Emmaüs, ils planquent les gens clandestinement dans leurs locaux, hein. Au vu et au su, évidemment, des renseignements généraux, de la police. Évidemment, ils savent tout. Personne ne bouge, évidemment, parce qu'on se laisse se faire envahir. Donc voilà, donc cet enculé qui a tué quelqu'un opère à Quimper, dans la plus grande tranquillité, dans les locaux d'Emmaüs, dont d'ailleurs j'ai l'adresse, mais vous pouvez trouver, chercher les locaux d'Emmaüs, Quimper. Locaux Emmaüs, Quimper, entrepôt, vous allez trouver des trucs. 63 rue, machin, voilà. Alors ce bonhomme-là fait ce qu'il veut là-bas. Bon. Moi, à un moment donné, je pose la question, combien de temps on va se laisser sodomiser? Ça fait la jonction avec le sujet précédent, d'ailleurs. Je pose la question. Alors, j'ai bien envie de prendre ta réaction, Argyle. Moi, je pense, souvent je le dis, je demande aux auditeurs d'aller voir la gueule du personnage en question, parce que ça aide quand même beaucoup à appréhender le sujet. Et là, on a un spécimen, alors je suis pas... Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas ethnologue, je ne suis pas anthropologue, mais là, franchement, là, la gueule de ce pirate somalien vaut quand même le détour, quoi. Tu sens quand même que le mec, tu sens une grande humanité dans son regard, dans la forme de son visage, dans ses dents. Tu sens le mec, je pense qu'il peut te manger vivant, quoi. Tu vois, tu sens vraiment le mec, il doit pouvoir tuer quelqu'un d'un grand coup de machette ou d'une rafale de Kalachnikov. Et dans le quart d'heure suivant, manger tranquillement ton foie grillé sur un réchaud. Quoi. Tu sens vraiment le mec plein d'humanité, comme tu disais, qui n'a plus rien à foutre de sa famille maintenant. Là, tu sens vraiment, là, tu étais proche de l'extraterrestre des films, tu vois, une espèce d'insecte ou de reptile qui est complètement haineux. Bah, voilà, là, je crois qu'on l'a. Et c'est vrai qu'apporter ces gens-là, les aider à s'intégrer à la nation française, je crois que c'est une excellente idée. D'ailleurs, je crois que les Suédois en ont accueilli beaucoup et ça se passe super bien. Je crois que c'est vraiment une très bonne idée que ce type, hein, pirate malgré lui, hein. Ah, ça pourrait être le titre d'un chouette bouquin, ça. Pirate malgré moi, tu vois, ça donnerait un petit côté un peu bon enfant à la chose. Je pense que c'est une excellente idée qu'on ait un maximum de ce genre de type en France. Je t'arrête tout de suite, tu dis ça pourrait être le titre d'un excellent bouquin. En fait, ils ont fait une bande dessinée de sa vie à ce mec-là. Ah ouais, quand même. Ah bah, t'as vu? Et oui, ils en ont même fait un bouquin, ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux, et lui, c'est Non, mais très sérieusement, ils ont fait une bande dessinée qui a été payée par le contribuable français via toutes les associations possibles et imaginables d'aide aux droits de l'homme, de mettre mes couilles, machin, donc personne ne lira jamais ce truc-là, mais ils en ont fait une bande dessinée qui est l'objet de l'article en question du Télégramme, qui répercute le truc, la formidable histoire de Mohamed Mahamoud. Hein, voilà, pauvre victime quand même, hein, de la piraterie pour avoir fait mourir quand même quelqu'un. C'est que un Français en plus, bon, oui, ça aurait pu être plus grave. Il aurait pu faire mourir un Noir ou un Arabe ou un musulman. Imaginons le scénario catastrophe, quoi. Bon, et voilà, ils ont mis ça en bande dessinée, donc la mort d'un Français en bande dessinée, et l'affaire se termine bien quand même. Puisque Mohamed Mahamoud peut quand même... Enfin, à la fin, ça se termine avec le rassemblement, le regroupement familial à Quimper. Et je présume que s'il y aura un volume numéro 2, en fait, avec les fils de Mohamed Mahamoud qui égorgeront avec des affaires de piraterie des blanches du pays bigoudin sur des chaloupes de fortune. Enfin bon, là c'est l'imagination au pouvoir, comme dit l'autre. Bon, voilà. Mais je n'exagère pas, hein, ils ont fait un bouquin sur sa vie. Sur sa vie, sa vie de criminel, voilà, c'est bien. Voilà. C'est beau quand même, hein, la France. Bah, je trouve que ça va de l'avant quand même. Quelqu'un d'autre sur cette magnifique histoire de pirates Non, bon. Moi sur les pirates somaliens, j'en ai déjà beaucoup dit quand on parlait de la Suède. On a souvent parlé de la Suède, donc j'ai rien d'autre à rajouter, je les connais bien. Ils sont d'une violence extrême. C'est vraiment un type très particulier, hein, les pirates de Somalie. Ce que je peux faire, c'est te soumettre très brièvement en fait le visage de l'intéressé. Et sur la base de cette photographie, tu vas nous dire si on a affaire à un cas ou pas. Oh là là là là. Oh là là. Alors officiellement, il est dans la trentaine. Mais par contre, ça se voit que la petite mémère bretonne, elle l'a un tout petit peu civilisé quand même. Il a l'air moins sauvage que certains que j'ai vus qui étaient fraîchement arrivés, quoi, qui étaient débarqués de la veille. Ils avaient encore de la chair humaine sur les chicots et ils arrivaient avec les machettes en Suède, quoi. C'est là, fallait vraiment de la rééducation violente, mais la Suède y met les moyens, quoi. Mais bon, ils n'y arrivent pas, hein. Attention, je dis, faut de la rééducation violente pour transformer un sauvage en ce mec-là, qui est, de votre point de vue, un total sauvage, et à raison, à juste titre. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que des milliards et des milliards, ça va t'amener en résultat final, au maximum, au mieux du mieux, ça t'amène la photo que tu m'envoies. Donc ça te donne un petit aperçu de ce qui attend la Suède, puis de ce qui attend tous les pays qui accueillent ces mecs-là, parce que bon, ils sont... Avec les hommes, je dirais que ils sont dans la piraterie, hein, donc ils sont dans le racket, la violence pure et tout, mais ils sont peut-être moins vicieux que des Arabes. Vous voyez, ils sont plus dans la piraterie franche, donc c'est peut-être plus dangereux, mais c'est peut-être moins chiant au quotidien que les Algériens qui s'amusent à victimiser des pauvres gamins de 10 ans, enfin, qu'ont ce côté pervers, salopard, revanchard. Eux n'ont pas ça, quoi. Donc ils peuvent très bien, avec les hommes, avoir un rapport relativement correct, mais le problème, c'est avec les femmes, quoi. Avec les femmes, ces gens-là sont, je veux dire, une femme, ils l'attrapent et ils la prennent, c'est tout, quoi. Et il est hors de question de leur faire croire que ça pourrait se passer autrement, quoi. C'est vraiment... Et les viols, bah, vous connaissez les statistiques, je crois qu'on en avait déjà parlé ici, donc les viols dans ces pays-là, ça provient à 80% des Somaliens, des Érythréens, des Soudanais, quoi. Donc si nous, on commence à accueillir cette racaille, ben, ça va en plus avec toutes les populations maghrébines et tout. Enfin, là, nous, on est en train de préparer un cocktail vraiment explosif, quoi. Il n'y a plus que... Alors, sur cette magnifique histoire de prix somalienne... Oui, ben, en fait, moi, ça m'a touché, en fait. Parce que voir Marie-Vonne, qui, à mon avis, je ne sais pas si elle a des mômes, je pense que non, mais se prendre comme ça d'affection pour un type qui vient de l'autre bout du globe, alors que des millions de jeunes Français et de jeunes Françaises sont actuellement dans la panade, elles ne peuvent pas se payer pour le petit pavillon coquet là qu'on voit, qui est très joli. Ça doit être certainement Bretagne, c'est vert, c'est magnifique. Il y a des millions de jeunes Français qui ne sont même pas dans la possibilité de fonder un foyer. Mais Marie-Vonne, son objectif, c'est d'aller secourir des assassins soudanais. C'est quand même, ça en dit long sur la mentalité de la femme, et surtout de la mentalité de la femme qui n'atteint pas son objectif, sa destinée de faire des enfants. Elle devient, c'est une forme de maternité qu'on retrouve beaucoup chez les femmes de gauche qui atteignent l'âge de la retraite. C'est une forme d'instinct de maternité qui est totalement dégénéré et qui ne se reporte pas sur des gens de son peuple. Comme s'il y avait une forme de revanche, hein, un esprit de maternité qui atteint une forme de cancer, de métastase. Alors moi, il m'arrive d'être quelquefois confronté à ce genre de population, alors pas forcément de la corne de l'Afrique, mais dites-vous bien que ces gens mentent allègrement. Il n'y a pas, comme dans notre culture européenne, le poids du mensonge. Il y a un dicton bien connu qui existe en Europe, hein, c'est « faute avouée est à demi pardonnée ». Ça n'existe pas, ces gens peuvent vous mentir et raconter des bobards hallucinants, juste comme ça, parce que faut pas oublier une chose, les pirates de Somalie, il y a peut-être des pauvres types qui sont embarqués, mais ce qui les intéresse, c'est surtout l'appât du gain. Hein. Et c'est l'appât du gain... C'est essayer de choper des conteneurs, c'est essayer de choper du matériel. Hein. Je crois qu'une fois, ils ont même réussi à choper des tanks. Hein. Les Russes sont intervenus. Ils sont quelquefois payés par d'autres agences, hein, c'est-à-dire que ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas uniquement des entrepreneurs, entre guillemets. Et Marie Yvonne croit en ces mensonges. Comme, je ne sais pas, comme Martine pourrait croire à Patrick Bamako, poutre du de je ne sais pas moi, de poutre de Bamako, que c'est un pauvre petit loulou et que elle va le sauver, hein, alors qu'elle va le mec va juste le dépouiller. Ben, c'est la même chose. Donc à un moment, faut, je sais pas, il va falloir mettre des camisoles aux femmes qui n'ont plus toute leur toute leur tête. Il va falloir peut-être revenir à ce qui existait, c'est-à-dire une forme de minorité pour les gens qui n'ont plus toute leur tête. Moi, je pense qu'une femme de 60 ans qui a pas mal de pognon sur son compte en banque, il faut la mettre en minorité juridique pour éviter qu'elle fasse des conneries comme ça. Et évidemment, lui supprimer son droit de vote. Oui, ça tomberait sous le sens, effectivement. Alors, les amis, on est obligé de passer au sujet suivant. Alors, ouais. On change radicalement d'ambiance, mais pas radicalement de sujet, puisqu'on reste en Bretagne, en fait. Mais oui, putain, la Bretagne, bien sûr. Alors, on m'accuse de faire preuve de bienveillance à l'égard de la race bretonne, alors que j'ai dit et que j'ai répété à multiples reprises. Être favorable à l'extermination de 90% de la race bretonne dans des installations étudiées à cet effet. Donc arrêtez de dire que je suis que j'ai un avis biaisé, c'est pas vrai. Je suis plus dur avec les Bretons qu'avec les autres. Hein. Voilà, donc j'en profite pour envoyer un petit message personnel. Il y a des peuples auxquels on ne doit pas toucher. Oh ben le Breton, on a le droit. Hein. Oui. Ça, oui. Autorisation est donnée de dire franchement aux Bretons ce qu'ils sont, c'est-à-dire quand même des serpillères à nègres. Je sais pas d'où vient cette vocation d'ailleurs, est-ce que c'est une révélation collective ? Mais bon, il faut le dire, il faut le répéter. Alors, chers amis, puisque nous en sommes en Bretagne avec Marie-Yvonne et son petit protégé pirate et assassin, j'enchaîne avec le sujet numéro 3 de cette rubrique autisme radical. Un nègre à lunettes de député élu donc par des Bretons, c'est logique, c'est presque un pléonasme, ne sait pas ce qu'est la prime de Noël. Alors je vous invite à l'écouter ensemble tout de suite. C'est un magnifique spécimen, je veux dire. Quel beau spécimen. Allez, écoutons-le et on se retrouve tout de suite après. Est-il vrai que la prime de Noël va être reconduite ? La prime de Noël ? Vous savez ce que c'est que la prime de Noël ? Alors moi je n'ai pas de prime de Noël en tant que député. Non, pas vous, non, en tant que député. Mais oui, mais les Français, eux, non ? La prime de Noël, vous ne connaissez pas ça ? Peut-être que vous me donnez des informations, mais je n'ai pas du tout de prime de Noël. Alors là, vous ne savez pas ? Ah non, mais je peux vous garantir que les c'est députés... C'est une aide exceptionnelle. Vous ne connaissez pas la prime de Noël ? Mais je vous le dis qu'en tant que député, je ne vais pas recevoir pas vous, évidemment. De député. Non, mais pas vous, mais les Français. Est-ce que vous savez ce qu'est la prime de Noël ? La prime de Noël, c'est une aide exceptionnelle destinée à aider les familles les plus fragiles en la période des fêtes. Vous connaissiez son existence ? Oui, oui, mais vous me parlez pour les députés, c'est pour ça. Non, mais je ne vous parle pas des députés, là, je vous parle des Français. D'accord, très bien. Est-ce qu'elle va être reconduite ? Mais qui c'est qui fournit la prime de Noël ? Ben c'est l'État. D'accord ? Ouais. Est-ce qu'elle va être reconduite ? Ben alors, j'ai pas d'informations sur ce sujet, sur la reconduction. Mais c'est pas la prime de Noël. Si, pour les personnes les plus défavorisées. C'est un peu dommage, ça. Non ? Non, mais parce qu'on parlait des députés, vous me parlez des frais de députés. Donc, vous me dites, est-ce que la prime de Noël. Moi, je vous demande simplement, la prime de Noël, qui est une aide exceptionnelle versée aux personnes les plus défavorisées, cette prime va-t-elle, oui ou non, être reconduite ? C'est la question que je vous pose. Elle est claire, elle est simple. J'ai pas d'informations contradictoires, donc je pense qu'elle va être reconduite. Elle va être reconduite. Parce qu'il n'y a pas d'informations. On n'a pas voté, on n'a absolument pas discuté de cette question d'une prime de Noël donnée par l'État qui ne serait pas reconduite. Donc. Tout récemment, ça va être reconduite, oui. Ouais, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il ne sait même pas ce que c'est la prime de Noël. C'est la mer Noire, le sketch, comme je disais. C'est la mer Noire. Mais oui, je ne recevrai pas de prime de Noël en tant que député. Mais vous connaissez la prime de Noël quand même. Ah non, mais je ne reçois pas de prime de Noël. Et d'abord, c'est qui fournit la prime de Noël? C'est les blancs, là, les deux. Alors ça va. Non, mais c'est magnifique. Tu sais, à un moment, Bourdin, un petit peu taquin, il dit... Bon, vous connaissez pas la prime de Noël, quoi. Bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Et t'as le gros nègre qui entrave rien. Il entrave rien. Putain, il verrait même pas un train passer sous son nez, quoi. C'est quand même magnifique. Alors, par qui a-t-il été élu ce gros... Non, mais c'est même pas ça, c'est... Par qui a-t-il été élu? Par les gros cons de Breton. Ah non. Par la conscience humanitaire mondiale. Ouais, par les Bretons, c'est bon. Eh, attends. Oui, bah, c'est ce que je disais, oui, c'est ça. Oui. Et là, tu m'as pas laissé finir. Là, c'est le moment de cracher sur les Bretons. Donc c'est le haut du panier en plus, hein, chez les Noirs. C'est-à-dire que c'est l'orpheline Tutsi évacué lors du génocide des Rwandais. Miracle, il a été aspiré vers la Bretagne. Il y a des évacuations qui finissent parfois très mal, voire très souvent même très mal. Alors, notez quand même que d'habitude, le député, c'est quand même un mec qui est censé être la crème de la circonscription. C'est au-dessus du lot, vous voyez. Alors... Attends, il a des lunettes quand même. Oui, c'est un nègre à lunettes, effectivement. Mais ce que je veux dire, mais d'ailleurs, ça n'enlève rien à son crédit. Par contre, ça en dit beaucoup plus long sur sa circonscription. C'est l'héritier de Kofi Miam Miam. Oui, lui dans le Finistère. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est passé par une cagne, hein, une prépa littéraire. Donc c'est vraiment le profil typique de l'agrégé de grammaire. À mon avis, il a dû être élevé par des parents profs. Ils l'ont foutu dans une cagne. En cagne, hein, c'est... En cage forcément des... Non, en cagne, en prépa littéraire, quoi. Cagne, hypocagne. Oui, en cage, mais moderne, un truc. Ouais, c'est ça. Et si tu veux, il doit avoir une capacité à recracher ce qu'on lui dit, parce que c'est ce qu'on demande un peu au type qui sort de prépa littéraire. Au singe, oui, bah oui, bah, je sais bien. Et tu vois, il a le programme, tu vois, c'est un nègre diplômé, un agrégé de grammaire. Donc vu qu'il est jeune... Ouais, non, mais c'est exactement ça, c'est un agrégé de grammaire. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'est beau, ouais. Côte d'Armor, voilà. Les Côtes d'Armor. Voilà, les Côtes d'Armor. Voilà, mais les Bretons, hein, encore une fois, en pointe. Ah, mais il sort de Sciences Po, là, apparemment, où il a fait, après, une petite incursion. Alors, London School of Economics, ça veut tout dire et rien dire. En gros, il a fait des études d'économie dans un truc Erasmus à l'étranger. Ce qui suffit à sa tête de nègre à l'engager... Pour en tant qu'économiste à l'Agence française du développement. Voilà. Mais attends, l'Agence française, quand t'es noir, quoi. Bah oui, c'est l'Agence française du développement, c'est-à-dire c'est l'aiguilleur du pognon des Français à direction des nègres. Voilà, c'est ça, c'est ouais, exactement. C'est-à-dire que, oui, le truc du développement, du machin. Non, en fait, c'est la rapine organisée par les communistes pour arroser tous les bamboulas de la création. En espérant que soudainement, les nègres qui étaient des nègres hier deviennent des super nègres demain, c'est-à-dire qu'ils soient intelligents et qu'ils produisent quelque chose. Oh, miracle! La vache! Les nègres produisent quelque chose, ils produisent des nègres. Ah, oui, non, beaucoup. En fait, c'est une synthèse. C'est une synthèse parce que le mec, tu vois, c'est un nègre qui vient d'Afrique, on le forme, on l'envoie dans un poste à fromage pour piquer le pognon des Français en destination de l'Afrique. Oui, bon, c'est bien fait pour la gueule des Français, parce que bon, qui a créé cette magnifique idée de civiliser le nègre, si ce n'est les Français? Enfin, je vous pose la question, quoi. Alors, évidemment, qu'est-ce que fait le nègre quand on lui dit « Tiens, hé, négro, tu vas devenir un Français comme tout le monde, toi, hein, là, tu vas apprendre à lire, à écrire, ça va être vachement bien et tout, on va te mettre un costard et on va même te donner des lunettes, ça rend intelligent, tu vois. Alors, ça t'intéresse ?» Alors, le nègre est là « Ah bah, oui, bien sûr !» Alors, il signe, ok, on l'amène à Paris, alors là, il voit des blanches, il perd les pédales, tu vois, les Français sont très impressionnés, puis ils disent, putain, le macaque, il sait effectivement parler français, quoi, c'est impressionnant, quand même. Et, au bout de quelques générations, ça donne la France de 2017, quoi, voilà, où les négros sont considérés comme des dieux vivants, on les prend dans des majorités présidentielles, et monsieur le député, le truc, et le bon peuple blanc, hein, voilà, vénère le truc. Ça me rappelle un peu la séance de Star Wars, vous savez, vous rappelez pas de Star Wars avec l'étoile de la mort là, vous savez, à un moment donné, il y a le robot, comment il s'appelle le robot doré là, le robot, enfin vous savez, il est en C3PO. Ouais, voilà, c'est CSPO. Bon, il arrive, et puis vous savez, ils avaient des petits machins tout fourrés, ils ressemblent un petit peu à des nounours, puis ils le voient apparaître, et ils se mettent à... Bah voilà, c'est l'état actuel des Bretons, voilà. Ils voient un nègre, ah, mon Dieu, oh, Jésus. Voilà, et puis hop, c'est parti, et venu, il sort le carnet de chèque. Ah, c'est magnifique, ça, tu vois. Voilà, la mission civilisatrice de la France. Merci à vous. Hein, ça valait le coup. Putain, on aurait mieux fait de se casser une jambe. Moi, je vous le dis. Alors, qui veut rajouter quelque chose sur les... Je sais, qu'est-ce qu'il racontait, ce nègre ? Oui, la prime de... Et il ne sait même pas ce que c'est la prime de Noël. En plus, la prime de Noël, que le monde musulman entier nous envie, quand même. Parce que c'est grâce à elle que les écrans plasma se distribuent comme des petits pains à la fin de l'année. Hein. Et ça dope... vous savez pourquoi les Arabes sont de plus en plus forts ? Non. Bah parce que les télés sont de plus en plus lourdes. Ça joue. Ça joue. Non mais les primes... on va pas faire une digression sur les primes de Noël, mais enfin bon... Si on pose des questions... J'interviens à la télévision française. On me demande. Alors monsieur Gandalf, paraît-il que vous êtes contre la prime de Noël ? Mais ce grand moment de solidarité... Je suis pas du tout contre la prime de Noël, mais par contre je pose des conditions. Je suis pour une prime de Noël conditionnelle réservée aux chrétiens qui pratiquent, voilà, et certainement pas aux musulmans. Bon, bah là, il y aurait de quoi bosser déjà. Hein, mais bah bon, j'aurai le MEDEF sur le dos qui me dira que je fais baisser la croissance. Alors bon, je ferai ma gueule comme tout le monde et je rentrerai dans le rang. Voilà. Quelqu'un d'autre sur ce moment de prime de Noël, de nègre Non ? Ou de lunettes. Moi, tu vois, j'ai eu l'impression de voir le test de Turing, en fait, entre le test d'intelligence. C'est-à-dire que ce mec est très certain, c'est très certainement beaucoup de choses, hein. C'est un peu un singe savant. Mais en fait, il n'arrive pas à voir que Bourdin est en train de se foutre de sa gueule. Parce que quand même, Bourdin se fout lourdement de sa gueule. Il le voit, enfin, c'est quand même, il y a un côté dîner de con. Oui. Donc en fait, tu peux lui mettre dans la tête toute la littérature française, toutes les théories économiques, macroéconomiques, microéconomiques que tu veux. Tu peux l'envoyer faire un master à l'UP de Lille, mais ça reste un abruti. Il n'arrive pas à voir que le mec se fout de sa gueule. Alors déjà, moi, tu vois, je suis quand même choqué que le mec qui est quand même passé par un UEP n'ait pas entendu parler de la prime de Noël des RMistes. Parce qu'on sait quand même, c'est un marronnier, quoi. Enfin, on en entend parler tous les mois de décembre. Mais bon, passe encore. Mais putain, ne pas voir que le gros Bourdin est en train de se foutre de sa gueule, ben en fait, je pense qu'il y a une différence de QI. Hein. Parce que moi, des fois, ça m'arrive de faire des vannes à certains mecs un peu limités, et ils comprennent pas, donc à un moment, j'arrête, tu vois, parce qu'ils captent pas. Ben là, c'est ce qui s'est passé, tu vois, il y a... C'est vraiment le quiproquo. Hein. On rit aux dépens du nègre. Bourdin, j'ai trouvé assez marrant sur ce coup. Même si, en fait, bon, il est vraiment en train de se foutre de sa gueule. Peut-être qu'il va remonter dans mon estime, le gros Jean-Jacques. Alors, chers amis, rubrique numéro 3, avant la pause musicale. Là, c'est assez carabiné. Et on revient en Bretagne. Le croirez-vous ? La pute à nègre de la semaine. Ah, merde, ça, je vous prends de court. Hein. Alors... Je vous lis texto le truc. Un homme de 65 ans a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, à 6 mois de prison avec sursis pour injure publique à l'encontre d'un enfant de 12 ans, rapporte Ouest France. C'est possible qu'on en ait parlé, mais voici les conséquences, quoi. Après le dépôt d'une plainte, l'homme avait été identifié grâce aux caméras de surveillance d'un magasin et la carte de fidélité de sa compagne. Lors de l'audience du 21 novembre, l'accusé avait nié avoir tenu ses propos évoquant des enfants mal élevés, vicieux et détruisant tout dans les rayons. Outre la peine de prison, l'individu devra également verser 501 € de dommages et intérêts à la famille de la victime. Les faits s'étaient déroulés le 10 février dans un hypermarché de Plérin. L'individu avait lancé « Partez d'ici, sale nègre !» En s'adressant aux deux enfants métis, c'est la mère des enfants, rédactrice en chef du magazine Elle, qui avait témoigné de la scène sur les réseaux sociaux en livrant un témoignage bouleversant. je cite Ouest France, enfin. Bouleversant. Genre, oh mon Dieu, mon cœur saigne, mon Dieu. Voilà. Alors, je prends vos réactions à la volée avant d'écouter, enfin, une pause musicale, quoi. Alors, la grosse putain nègre de Katel Poulikin, citons son nom. Katel Poulikin arrive avec sa progéniture immonde, c'est-à-dire des mulâtres infects qu'elle exhibe et qui se comportent comme des macaques, évidemment, qui foutent en l'air des rayons. Un homme blanc se dresse et dit « Oh, ta progéniture horrible, tu vas la mater ?» Elle porte plainte. Évidemment, les putains qui ont servi de magistrat dans cette affaire donnent raison à la putain nègre. Le mec se retrouve condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il faut payer 500 euros, moins. La presse, voilà, donc c'est-à-dire que les journaleux donnent en pâture l'homme blanc ayant résisté. Enfin, c'est vraiment obscène. C'est une scène obscène. C'est la Bretagne, c'est les Côtes d'Armor. D'où provient le nègre dont on a parlé? Qui veut me réagir? Argyle, je veux ta réaction. Oui, alors je pense que tout le monde a déjà été confronté que ce soit dans des magasins, dans des lieux publics, à des négrillons ensauvagés qui courent partout, qui sont infects, qui sont infâmes, et qui, voilà, qui énervent tout le monde, et personne ne veut rien dire, ne se fait gueuler, et c'est absolument insupportable. Alors des métis, en plus, le métis est encore plus mal élevé que le nègre, parce que souvent c'est la mère blanche gauchiste, qui, le père n'est pas là, le père est absent, c'est encore de temps en temps les nègres et les Arabes, ils cognent sur leur gamin, très fort d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est assez rare quand même. Mais alors le métis, le petit métis, lui en général, il est vraiment à l'état sauvage, parce que tu vois, il a l'éducation de gauchiste permissif de sa mère, et le sang, voilà, le sang, l'ADN africain de son père. Et là, ça donne un petit cocktail de gamin absolument innommable, absolument insupportable, et que le mec craque, voilà, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il n'aurait pas dit ça, ça n'aurait pas posé plus de problèmes que ça. Et c'est invivable, ces gamins-là n'ont aucune éducation. Mais quand je dis aucune, c'est rien, quoi. Et le moindre truc qu'ils font, leur mère tarée va leur dire « Ah bah oui, non mais c'est bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça ». Ça donne des dégénérés, et les métis, souvent dans les bandes de racailles, parce que bon, en plus, sur leurs problèmes identitaires, ils seront traités de demi-blancs, tout ça, c'est pas terrible d'être métis dans les bandes d'Africains, et donc eux surjouent toujours, c'est toujours les pires dégénérés, ce sont les métis d'Africains, vraiment, le mulâtre est un problème, le gamin mulâtre, là, mérite des baffes et des coups de pied, et le pauvre gars, bah, malheureusement, il avait la rédactrice d'Elle qui a pu être témoin, et là évidemment, devant la justice, c'est compliqué. Qui d'autre pour la négritude insolente et arrogante dont j'ai parlé? Ben, ça peut nous arriver à nous tous, hein, ce genre de remarques, donc oui. Faites quand même gaffe, quoi, quand vous sortez ce genre de truc. La vérité ne plaît pas toujours. Ah oui, moi j'ai le nègre facile, moi, c'est-à-dire que c'est... Oui. C'est extrêmement... c'est pas mal nègre, hein, tu vois, comme ça. Ça sort très facilement, donc ça vous arrive sûrement aussi, donc faites gaffe. Moi, je comprends ce monsieur de 65 ans. Ça n'a pas dû être simple d'être dans les rayons, de voir ces espèces de crépus café au lait gigoter partout, foutre en l'air probablement les conserves, hurler devant la mère qui devait être hilar d'ailleurs en regardant sa progéniture infâme. Je comprends que des gens qui sont bien élevés, qui ont encore une conscience de ce qu'est la civilisation, un peu quand même. Le réflexe, quoi, de dire t'es nègre là, tu vas les tenir, quoi. Et cette salope se plaint, et c'est là que qu'on est dans le supplice chinois, quoi. C'est-à-dire que ensuite tu passes devant les juges qui sont des magistrates, hein, qui aiment à torturer l'homme blanc, et ça n'en finit plus, quoi. Donc beaucoup de compassion pour cet homme de 65 ans. Et Katel Poulikin, rédactrice en chef du journal Elle, tu es une putain, une traînée, tu es une putain nègre, et il doit t'arriver des mauvaises choses dans ta vie. J'en suis absolument convaincu. Voilà. Et tes fils seront d'ailleurs des camés. Peut-être, si ça tourne bien, ils seront des proxénètes. Si ça tourne mal, ils seront en tôle. Voilà, comme tous les métèques pondus par des putes à nègres comme toi. Voilà. C'est mon moment amour et empathie. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ? Oh, bah, je pense que ah, oui, chose. Fulbert. Un petit truc à propos de cette dame, la Catel Poliken. Je vois ici qu'elle déclare, je m'assure, à propos de ses enfants, je m'assure qu'ils connaissent leur Martin Luther King dans le texte. Je vais refaire la version pour enfants de sa biographie. Et aussi, Mes étoiles noires, des destins méconnus, racontés par Liliane Thuram. Donc, elle les noie dans la négritude. C'est plus qu'une putain nègre, beaucoup plus. Il faudra trouver un terme pour définir ce genre d'individu femelle. Une prêtresse de la négritude. Faisons une pause musicale et on se retrouve tout de suite après, chers amis. Yes, I am, Sophia! history, man. Thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much. Chers amis, nous revoici pour cette deuxième partie d'émission. En fait, c'est une émission un peu particulière parce que j'étais tenté, et puis même les autres participants, on est tenté en fait par rapport à la mort de Johnny Hallyday, d'être complètement différent, en disant bon, c'est un mec, il est mort, voilà. Il est un peu connu, bon, voilà, merci, au revoir. C'est un non-événement. Et on va pas perdre notre temps avec ça, parce que c'est pas politique, etc. Ou c'est trop franco-français, ou voilà quoi. Ou alors l'attitude inverse, qui consisterait en fait à en faire un événement extrêmement important et tout. Bon, pensez bien que c'est pas tellement l'ambiance ici. J'ai estimé en fait que l'événement en fait en lui-même, enfin c'était connexe en fait. Je me suis dit, il y a cet événement, et d'ailleurs, je pense qu'on serait con de faire semblant, par snobisme un peu en fait, de dire qu'il se passe rien, parce que quand des millions de gens en France se sentent concernés par un événement comme ça, c'est qu'il se passe quand même quelque chose. Après, ce que l'on ressent nous par rapport à l'événement, c'est très différent. Donc il faut faire la distinction en fait, est-ce qu'il se passe quelque chose, et si oui, essayons de comprendre s'il se passe quelque chose. Et deuxièmement, quel est notre point de vue par rapport à ça, ou qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça. Donc, je me suis dit que ça valait le coup d'en parler. Dans l'équipe qui est avec nous aujourd'hui, je pense qu'il y a différents points de vue, évidemment, mais je pense que c'est assez partagé. On se dit, bon, il y a quand même quelque chose à creuser, quoi. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder le truc. Il y a l'artiste, Johnny Hallyday. Il y a le phénomène de société, sur la longue durée et sur la courte durée, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, les obsèques et tout, vraiment le côté très... Bon, ouais, je pense qu'on va y revenir. Ce qui est dit de l'individu et de cette génération, ce qu'il en était en fait. Donc, voilà, pile et face, il y a beaucoup de choses à en dire, je pense. Et le phénomène de société, bien sûr. Ce que j'ai estimé pertinent, c'est par rapport à l'émission de la semaine dernière, où on a parlé des baby boomers et des 68ards. Bon, les uns n'étant pas réductibles à l'autre. Hein. Les baby boomers, c'est ceux qui sont nés après la guerre. Tous ceux qui sont nés après la guerre ne sont pas des 68ards, bien évidemment. Je pense que tout le monde l'a compris. Je préfère le préciser au cas où ça aurait mal été expliqué. Donc il y a quand même un phénomène générationnel, et je pense qu'on a besoin, nous, alors je parle de ceux qui ont environ notre âge, entre fin de vingtaine et trentaine, mais aussi les plus jeunes, ceux qui arrivent derrière, de comprendre c'est quoi Johnny Hallyday, mais pas artistiquement, c'est quoi comme phénomène de génération, et qu'est-ce que sa disparition va entraîner, parce que pour moi, c'est pas du tout évoqué, bien sûr, parce que c'est assez angoissant, en fait, et personne n'a envie de rajouter de l'angoisse à de l'angoisse dans les médias officiels. C'est qu'en fait, après Johnny Hallyday, la France blanche, elle est finie. C'est les obsèques de la France blanche à laquelle on assiste. Hein. C'est assez effrayant. Donc je me suis dit, il fallait quand même en parler, et j'avais bien aimé, je vais donner la parole à Derek. Mais Derek m'a dit, avant l'émission, il m'a dit, c'est un peu le pendant des obsèques de Charlie Hebdo, quoi. Il y a un côté, par certains aspects, un peu sinistre, espèce de côté festif, le côté festif forcé sur des obsèques qu'on retrouvait chez Charlie Hebdo, qui n'est pas sans rapport et qui dit quelque chose sur l'époque. Je te laisse la parole, Derek. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses, très librement d'ailleurs. Ouais, ben oui, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Hein. Pas sur Johnny en particulier, mais sur les funérailles là, qu'il y a eu auquel je veux. Bon, j'ai regardé parce que je me suis dit qu'il y allait quand même avoir des choses intéressantes à voir. Effectivement, c'était le cas. Cette manie, je sais pas, de vouloir faire des enterrements. Alors bon, en plus là, c'est bon, cette fois-ci c'est dans une église. Les autres timbrés là, s'ils avaient fait ça dans une salle noire avec des rideaux noirs, enfin c'était assez, ouais, c'était assez lugubre. Mais là, c'était dans une église avec Guy Gilbert, hein, le prêtre des motards, hein, cette espèce d'épouvantail, cette espèce de guignol. Ouais, un zombie total. Hein, ce mec complètement shooté, bref. Guy Gilbert, hein, qui était là dans le coin, des types qui jouaient de la guitare, et des gens qui dansaient. Alors, c'est l'état, ouais, effectivement. Bon, c'est super, on est mort, enfin, je sais pas. Danser à des funérailles, c'est vraiment un truc de, bon, qui me dépasse, quoi. Je comprends pas. C'est pas normal. Ouais. Attendez, attendez, je donne la parole à Fulbert, ensuite je la donnerai à Argyle et à Magda. Mais je crois que Derek n'avait pas terminé. Si. Moi, ce que tu viens de dire, Derek, me fait penser à quelque chose. Regardez l'Afrique. Tournez-vous vers l'Afrique. Lorsqu'il y a un enterrement dans nombre de pays africains et centrafricains principalement, que se passe-t-il lorsqu'il y a un enterrement? Les gens ne pleurent pas, il n'y a pas de pleureuses comme en Afrique du Nord, non. Les gens dansent, ils font de la musique, on accompagne le défunt dans la joie et la bonne humeur avant de le mettre dans le trou. C'est un petit peu ce qui s'est passé à l'enterrement de Johnny Hallyday, quelque part. Donc tu veux pointer par là une forme de négrification mentale des individus du présent. Absolument. Argyle. Bah, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier la dimension populaire du chanteur, hein, même si j'avais été un grand fan. Hein, voilà, ça reste. Voilà, il a eu des looks improbables. Je ne sais même pas s'il a écrit une seule de ses chansons. Bon, il a fait beaucoup de soupes de variété. C'est vraiment le sous-américain, qui a eu du succès chez les bofs. On est bien d'accord. Mais d'un autre côté, quand même, Johnny Hallyday, ça reste, quoi qu'on en pense, une icône populaire française qui a drainé dans les rues de Paris, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de blancs. Je crois qu'on pouvait compter le nombre d'halogènes sur les doigts d'une main. Et voilà, c'est cette France, en fait, qu'on voudrait retrouver. C'est cette France des années 60, des années 70, où tu pouvais encore te... Voilà, où il y avait les bagarres, les voyous, c'était les blousons noirs, mais c'était des blancs. Il n'y avait pas du tout cette espèce d'oppression, cette oppression migratoire, cette invasion migratoire. Et là, on a vu aujourd'hui cette France dans la rue, donc... c'est vrai que d'un autre côté, il représentait une certaine France qu'on ne peut absolument pas ignorer et qu'on aimerait retrouver. C'est clair que voilà, on aimerait retrouver cette France d'avant qui était peuplée. Et en plus, quand je dis d'avant, je ne parle pas non plus d'il y a 130 ans, je pense des années 70. Ben, je dis c'était ça, c'est ce qui est représenté. Et inconsciemment, il y a peut-être aussi tout ce que ces gens regrettaient. Tout ce que ses fans aussi voulaient, c'était ce qui représentait cette France d'avant. Alors lui, le personnage en tant que tel, c'est peut-être pas forcément quelqu'un. En plus, bon, ouais, c'est toujours enjolivé la façon dont sont les gens, mais voilà, ça n'a pas été non plus un très bon père de famille. C'était quelqu'un qui, une grande partie de sa vie, était sous, drogué et absolument infect avec les gens qui l'entouraient. C'est quelqu'un qui cutait tout ce qu'il pouvait, qui a toujours aimé les très très très jeunes femmes. Qui a acheté deux gamines au fin fond du tiers-monde pour faire plaisir à sa femme stérile ou parce qu'il n'arrivait plus à la baiser, enfin, je ne sais pas trop, mais à côté de ça, il faut distinguer surtout le phénomène de ce qu'il représente, et comme le disait Gandalf, voilà, c'est cette France qui meurt avec lui, parce que C'est une image trompeuse de voir tous ces gens, tous ces blancs dans les rues de Paris, alors que ces rues sont infestées d'afro-maghrébins en règle générale. On aurait dit que les gens venaient célébrer la mort de la France des années 50-60, qui est en train de disparaître doucement, et c'est assez malheureux. Donc voilà, sans juger le personnage, qui pour moi me laisse complètement indifférent, il faut quand même analyser en fonction de ce qui est représenté dans le cœur des gens par l'intermédiaire de ces chansons qui, quand même, je le rappelle, sont très connues. C'est-à-dire que même si on n'est pas fan, on connaît tous entre 30 et 40 chansons de Johnny Hallyday en disant ah bah ouais, celle-ci je la connais. C'est vrai que là, l'overdose qu'on se cogne depuis par jour est quand même assez significative du succès du bonhomme. Et c'est vrai que, d'un autre côté, on est un peu triste en voyant ça, en se disant, est-ce que c'est pas l'enterrement de la France qu'on aimait ? Magdav. Moi, j'ai regardé les obsèques, et c'était excessivement intéressant. De même que le personnage de Johnny est intéressant, parce que c'est vraiment le type qui a connu en fait, toute la 5e République. C'est quand même assez dingue. Le mec qui avait déjà 10 ans de carrière, ce qui est à peu près qui est plus que la longévité d'un artiste aujourd'hui en mai 68. C'est un dinosaure, quoi. Enfin, c'est quand même assez incroyable qu'il ait survécu pendant toutes ces années. Mais voir dans les obsèques, tout à l'heure Fulbert parlait effectivement du côté festif, mais les Européens ont une dignité particulière pendant les obsèques. C'est-à-dire qu'on ne danse pas, certes, mais on ne pleure pas comme les Sémites. Il y a une retenue, une dignité qui est très particulière. Et on a eu à la fois, effectivement, le côté faussement festif, hein, type Charlie Hebdo, et les larmes du juif. Moi, j'ai vu tous ces gens pleurer, y compris Macron, qui avait quasiment les larmes aux yeux, et je me suis dit que c'est quand même assez incroyable la capacité du juif, notamment le juif Hanouna, à comme ça tirer les larmes, et en fait tirer les larmes du goy, l'expression évidemment est de Soral, mais c'est un peu l'impression que ça m'a donné. Et c'est quand même assez incroyable d'entendre des gens dire, des gens qui sont quand même vraiment vraiment le peuple, hein. Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot le bas peuple, hein, parce que c'est quand même ça, c'est pas populaire, qui attendait de Johnny Hallyday, qui les guérissent de leurs maux. Il y a un côté thaumaturgique, hein, c'est-à-dire que les rois de France, pouvaient guérir certaines maladies de peau, les fameuses écrouelles. Eh bien, il y a des milliers de quasi-gueux, hein, qui en fait attendaient que Johnny Hallyday, qui est quand même un mec qui est vraiment qui est issu du milieu, hein, puisque ses parents faisaient plus ou moins la même chose que lui, qui a vraiment eu un train de vie mais absolument dissolu, qui a gagné du pognon à tire-larigot et qui a tout dépensé. Tu vois, c'est vraiment une sale époque. Hein. Pour moi, c'est vraiment la quintessence du 68 art, ce mec. Et j'étais vraiment mal à l'aise pour ces gens. Vraiment, j'ai eu plus pitié pour les gens qui étaient à l'enterrement de Johnny que pour la famille de Johnny Hallyday. J'étais mal à l'aise. Voir Macron et compagnie, tous ces artistes bourrés de pognon qui crachent sur la France en permanence, mais qui en fait acceptent quand même un modèle d'ultra beau fric qui est celui de Johnny Hallyday. C'est très marrant de voir Lucchini, tu vois, par exemple, être le premier fan de Johnny Hallyday. Comme si en fait tout ce qui était populaire et digne, populaire et beau, ça c'était pas possible, ça n'existait pas. Ouais, écoutez, Johnny Hallyday au Québec est marginalement connu, sauf évidemment dans les milieux Bobo Montréalais, Radio-Canada, le département culturel qui a fait grand cas de tout ça, et quelques autres qui se pincent de vivre à l'heure française. Mais sinon, peut-être que Macron a pleuré, mais pas Trudeau, bizarrement. Cette fois-ci, il s'est retenu. Mais trêve de plaisanterie. J'ai remarqué qu'on n'a pas le droit de ne pas être aimé Johnny Hallyday et on n'a pas le droit d'être indifférent à sa mort. Ça, je l'ai vu à mes dépens et aux dépens de quelques personnes qui s'en foutaient royalement de sa mort. C'est intéressant d'observer aussi que les gens se mobilisent énormément pour un chanteur mort. Un chanteur, c'est pas un chanteur qui amène une grande réflexion dans la vie des gens. Mais pour des choses plus essentielles, non, c'est pas tellement important. Ça m'a inspiré comme idée que, dans le fond, les gens, dans nos sociétés contemporaines, autant en France qu'au Québec, qu'aux États-Unis et partout où je peux le constater en Occident, on a féminisé la vie publique et la vie de la société. On va d'abord tenter de rejoindre les gens par l'émotion. On va les rassembler par l'émotion. On va les mobiliser par l'émotion. Et c'est à peu près exclusivement de ça qu'on use désormais. Quand un politicien nous présente un nouveau programme ou un nouveau plan d'intervention dans un domaine précis, on y va d'abord avec le côté émotif de la chose pour régler le problème qui touche les pauvres trois petits points. Les arguments, eux, ne servent qu'à appuyer, qu'à justifier l'émotion. Alors que, si je me rappelle bien de ma jeunesse et par ma formation en histoire, je peux même remonter à plus loin que ça. Auparavant, dans le passé, on y allait plutôt avec la raison et l'émotion, elle, servait à énergiser cette raison-là et à donner une forme de dynamisme au but ou au projet qu'on voulait développer. Et finalement, ces funérailles-là, ça me laisse penser à qu'on cherche désespérément quelque chose de rassembleur pour maintenir l'illusion de la France. Et c'est que de la poudre aux yeux. Bah oui, c'est religieux. Vous allez me dire, c'est des obsèques, donc c'est religieux. Oui, mais c'est religieux au sens vraiment large du terme. C'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer de faire vibrer les masses ensemble, c'est-à-dire de rassembler, tu l'as bien dit. Il faut rassembler les gens. Moi, j'ai envie de dire un truc au sujet du musicien, en fait, déjà. Ça peut être intéressant. Parce que, bon, là, il y a une espèce d'unanimisme et tout, machin, mais ça doit un petit peu interpeller, parce que c'est censé être un rocker. Les rockers sont pas censés être des gens dans le sens du vent, vous voyez. C'est pas censé être des gens qui sont dans le respect des institutions, normalement. C'est des gens qui sont plutôt des rebelles, officiellement, vous voyez. Enfin, les rockers, enfin... J'ai pas connu beaucoup de rockers qui se glorifient du fait d'être célébrés par les institutions, le président de la République, le truc, le machin. Au contraire, ils aiment plutôt être à contre-courant. Et or, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est au contraire, c'est l'institutionnalisation de la rebellitude. Et je crois que c'est un petit peu le problème avec Johnny Hallyday et tout le courant qui est avec lui, en fait. On parlait de mai 68, de la génération des boomers, etc. Bon, je vais pouvoir un peu parler de ce que je pense de Johnny. Je porte pas du tout le blâme sur la personne. Je ne le connais pas, par définition. Et c'est pas une question de bien ou de mal. Hein. C'est pas en ces termes que je le pose. C'est un gosse de la guerre. Il est né en 43. Donc c'est pas un baby-boomer au sens strict. Mais c'est quelqu'un qui, à deux ans près, va quand même porter toute la génération de l'après-guerre qui va vouloir en fait sortir déjà de la guerre, la deuxième guerre, et bien sûr la première... Donc il y a vraiment un virage qui s'opère. Et je pense que qu'est-ce qu'il incarne ? Il incarne d'abord et avant tout, c'est la profonde défaite de l'Europe, précisément. Il est né en 43. 43, c'est le moment d'inflexion de la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est pas 45, c'est 43. C'est Stalingrad, bien sûr. Et c'est le moment où, en fait, l'Europe cesse de rayonner sur le monde. Et c'est le monde qui va commencer à rayonner sur l'Europe. Enfin, rayonner entre guillemets, voire l'envahir, quoi. À commencer par l'Amérique du Nord. Et il ne faut pas perdre de vue que l'Europe, qui avait été une matrice absolument énorme au plan civilisationnel et culturel pendant des siècles à l'échelle planétaire, du jour au lendemain, après la défaite de l'Allemagne, est devenue une colonie comme une autre. Et donc, dans ce grand courant d'involution, c'est-à-dire que de la mère civilisatrice de la planète, l'Europe est devenue une mère ayant vocation à être civilisée, ou décivilisée, l'Amérique du Nord a commencé à mettre sa marque sur l'Europe. Après avoir été une projection de l'Europe, elle est devenue celle qui projetait sur l'Europe. Et dans cette vague-là, on a vu des gens qui ont pris la tête du mouvement. C'est-à-dire des gens qui ont complètement adhéré au principe d'américanisation et qui l'ont bien fait, d'ailleurs. Qui l'ont fait avec talent, quoi. Et je pense que ça sert à rien de le condamner ou de le... Ça sert à rien parce que ça s'est passé, parce que ça devait se passer. Je pense qu'en fait, l'Europe devait gagner de la Deuxième Guerre mondiale, et quand je dis ça, c'est le Troisième Reich, ou alors subir ce qu'elle subit maintenant. Et c'est totalement cohérent avec... Enfin, je veux dire, je suis cohérent avec moi-même, mon propos est cohérent, et tous ceux qui nient ce que je dis, de toute façon, ont tort parce que les faits leur donnent tort. C'est-à-dire que si vous ne vouliez pas que l'Europe soit colonisée par l'Amérique, il fallait que le Troisième Reich gagne. D'accord ? Si vous avez voulu la défaite du Troisième Reich, l'Amérique allait gagner. D'accord ? Si l'Amérique gagne, ben, c'est le triomphe évident du rock'n'roll. D'accord ? Et les mecs, et je ne vais pas leur jeter la pierre du tout, mais les jeunes gars qui sont nés pendant la guerre ou juste après la guerre, ben, ils avaient envie de vivre, ils avaient envie de vibrer avec leur époque. Faut pas leur faire un faux procès, quoi. Et Johnny Hallyday, bah, c'est le mec qui a eu le coup de génie, qui l'a bien fait, d'embrasser le nouveau mouvement, parce qu'il a eu l'opportunité ou peu importe, et qui a introduit en France, ou dans la sphère francophone, la musique américaine, mais tout en essayant de la dominer. Je m'explique. Il y avait, niveau rock'n'roll, bah, il y avait Elvis Presley à l'époque, d'accord ? Donc Elvis Presley, Bill Haley, etc. Mais il y avait des gens qui ont voulu embrasser le truc tout en essayant de faire survivre un peu de culture française dans le truc. Et tous les pays ont essayé de le faire. Hein, je veux dire, c'est pas spécifiquement français. Je veux dire, un peu partout, ça s'est déroulé de la même façon, quoi. Hein. Embrasser le style tout en essayant de faire survivre quelque chose de spécifique. J'allais dire presque de régionaliste dans l'affaire. Et Johnny Hallyday l'a fait avec talent. C'est-à-dire que c'est un pionnier, il l'a fait, et on peut pas refaire la guerre, quoi. C'est-à-dire que les Américains ont gagné la guerre, leur culture a gagné la guerre, ça plaît pas, le rock'n'roll l'a emporté, et derrière le rock'n'roll, le hard rock, le heavy metal, le metal, peu importe, et ensuite tous les autres genres, enfin, qui sont venus ensuite. C'est-à-dire que le grand mouvement de reconquête de l'Europe par l'Amérique s'est fait pour ne plus jamais être défait, quoi. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent. Et le mec a été malin, il a été intelligent, il l'a fait. Et de ce côté-là, il est considéré comme un pionnier, à raison. Mais malheureusement, c'est quand même un mouvement d'involution. Donc ça, c'est au fondamental que je vais là. Et je ne jette pas du tout la pierre à l'artiste. Est-ce qu'il est doué, est-ce qu'il n'est pas doué, est-ce que techniquement il est bon, est-ce qu'il avait un temps d'avance. Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est le truc qu'il faut, à mon avis, retenir comme point de départ. C'est pas le seul, mais et du coup pour les gens qui aiment vraiment le rock, et il y en a plein, évidemment le mec est une légende parce que c'est lui qui a fait rentrer le rock en langue française alors que c'était pas simple. C'est lui qui l'a fait. Il y a Eddie Mitchell, évidemment, un petit peu Dick Rivers aussi, bien sûr. Bon, les mecs l'ont fait à une époque, c'était pas évident, mais bon, là je suis dans l'infra et c'est déjà une autre discussion. Je prends les réactions d'autres personnes sur le... Là, c'est vraiment musical, mais bon... Musical-culturel, mais... Qui veut réagir là-dessus ? Astérix, t'avais envie de dire un truc, quoi. Merde. Ouais, je m'en rappelle plus. Tu peux réagir sur n'importe quel point. C'est pas... Sur l'aspect musical là, que tu citais... Ouais, super. Il y a au moins une chose. Johnny Hallyday, je ne le critique pas, hein, personnellement je suis indifférent comme toi, a eu une très longue carrière, tout simplement parce qu'il y a eu un départ, tu l'as très bien analysé tout à l'heure, à une certaine époque du personnage, et le personnage n'a jamais lâché le devant de la scène. Et en fait, il Il n'a jamais eu de successeur. Ça, le, qui a fait aussi la carrière de Johnny Hallyday. Il n'a pas de, il n'y a pas en francophonie un rock'n'roller de taille suffisamment ou de talent suffisamment développé que pour lui succéder. Et Johnny Hallyday a tenu le, la, l'avant-scène pour cette raison, à mon avis. Ouais, je pense que ouais. Et ça, c'est intéressant, tu vois, au niveau de l'imaginaire, parce que j'ai écouté quelques interviews de Johnny, et le mec pointe des trucs quand même assez intéressants. C'est-à-dire que c'est profond et c'est pas analysé comme il le faudrait. Mais en fait, le phénomène Johnny Hallyday symptomatise vraiment la mort de la France. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que pendant un moment, c'est, ce serait vrai, je pense qu'il y a des équivalents en Europe ailleurs, je pense qu'en Allemagne il y a des équivalents à mon sens, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, la France n'a plus d'horizon. Il n'y a plus l'horizon colonial, c'est fini, c'est liquidé, on peut plus s'étendre, on peut plus proposer une aventure. Et il faut des mythes quand même mobilisateurs, parce qu'il y a quand même une jeunesse en France à ce moment-là, quoi, qui veut quelque chose, qui veut aller vers quelque chose. Et les mecs se disent, bon, ben, on peut plus comme jadis, vous voyez, comme je vais aller à l'aventure en Afrique, je vais aller à l'aventure en Asie, et puis je vais défendre le drapeau, et ouais. Non, ça c'est terminé. Donc qu'est-ce que je fais ? Ben, en fait, tu montes sur un mythe qui existe, qui préexiste, ou un nouveau mythe, et c'est marrant parce que Johnny Hallyday disait, on lui pose la question, à un moment donné, on lui dit... pourquoi t'aimes les Harley Davidson ? Il dit bah parce que c'est un mythe, voilà, les grands espaces, etc. Et c'est marrant, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme occidental en général ne change vraiment jamais, et pour ce qui concerne le français, pas davantage, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche un horizon. Et en fait, comme tous les jeunes de sa génération, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais foutre ? Bon, voilà, je peux plus aller je sais pas où, créer je sais pas quoi... en Afrique ou machin, ça s'est terminé. Il dit ah mais il y a les grands espaces. À ce moment-là, c'est vraiment la culture américaine qui prend le dessus, mais c'est vraiment très très très très fort. La culture américaine a un très grand prestige. Je veux dire, entre les westerns, le rock, le truc, c'est un énorme prestige. Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, mais tu ne peux pratiquement pas regarder ailleurs. Je veux dire, c'est l'Amérique ou rien, quoi. Je veux dire, ou alors le communisme pur et dur, stalinien, mais ça fait pas tellement bander, quoi. Il y a pas tout le côté désirable. Et le mec dit voilà bah j'aime les Harley parce que voilà parce que route 66 parce que désert parce que grand espace parce qu'on étouffe et moi j'ai envie de grands espaces et ce côté là il l'a gardé quoi et il y a plein de gens qui sont comme ça qui veulent ce côté voilà je le côté libérateur des grands espaces de se débarrasser quelque part c'est assez paradoxal mais se débarrasser de la civilisation d'ailleurs tu vois de la contrainte du poids j'aime bien ça chez Johnny. En fait, moi j'aime bien l'impulsion première en fait, mais et qu'on va retrouver chez tous les rockers d'ailleurs après. Enfin c'est dans le rock à la base, hein. C'est il y a pas de souci. Ça j'aime bien ce côté-là. Je trouve que c'est en tout cas l'énergie de départ est positive me semble-t-il quoi. Après le reste bon. Alors moi je me souviens de ce que je voulais dire. Bon c'était vraiment un détail, mais. Pour Johnny, c'est quand même marrant. Moi, il me semble, si ma mémoire est bonne, bon, j'avais à peu près 10 ans, on va dire, 10-15 ans, quand il était vraiment, qui sortait tube sur tube, je sais pas, il devait avoir la quarantaine, et puis voilà, c'est là où sa fanbase était la plus massive et la plus militante. Là, t'avais carrément plein de gens qui se faisaient tatouer des Johnny, Johnny faisait des Stades de France, enfin Stade de France n'existait pas encore à l'époque, mais bref. Des Parcs des Princes. Parcs des Princes, il faisait ce qu'il voulait de toute façon. Il pouvait. Si ma mémoire est bonne, les bobos, qui à l'époque n'existaient pas encore réellement sous la forme des bobos, c'était un mélange entre la gauche caviar et et la gauche libertaire, quoi. C'était un peu le début de la rencontre des deux qui va donner les bobos, quoi. Un peu la gauche libertaire en bourgeoisie, quoi, qui a des thunes, quoi. Et ben, ces gens-là n'aimaient pas du tout Johnny, hein. On va dire qu'ils l'aimaient un tout petit peu mieux que Sardou, mais c'était le Sardou bis, hein. Pour eux, Johnny, c'était la beaufrie de droite, c'était le macho de base, c'était vraiment... il était raillé à l'époque, hein. Même les guignols et tout, si vous vous rappelez, Johnny s'était pris la tête avec les guignols, et c'est pas Johnny qui avait été bas du front, hein. C'est que les guignols étaient vraiment méchants avec Johnny, ils le traitaient vraiment comme un gros gros baduf, alors que de la vie de ceux qui l'ont connu, c'était absolument pas vrai. Oui, oui. Bah, faudra un jour qu'on parle de Canal+, comment dirais-je, des torche-culs de Canal+, espèce d'immonde chaîne judéo-gauchiste infecte, snob, jusqu'à l'overdose, enfin, c'est vraiment horrible, hein, vraiment. Enfin, Canal+, il faudra un jour qu'on fasse le procès de cette chaîne, parce qu'en termes de chiasse, ils ont produit plus qu'il n'en fallait, quoi. Mais pour en venir à Johnny Hallyday, qui veut... Ouais, MacDav, tu veux rajouter un truc? Oui, c'est marrant, parce que, en fait, derrière Johnny, il n'y a personne d'ampleur, mais il n'y a que des nègres. Ouais. Il n'y a que des nègres et des bougnoules. Parmi les gens qui sont écoutés, il y a soit quelques artistes blancs qui sont fiotatisés, mais à un niveau complètement incroyable, hein, les Vianney et compagnie. Et de l'autre, tu as les nègres ultra virilisés, qui sont encore plus caricaturaux que Johnny Hallyday, les boobas, et puis... peut-être qui est en train d'émerger là, la fusion des deux, hein, c'est-à-dire les Boukak PD, hein, la PNL pour ceux qui connaissent. Mais Stromae, c'est marrant parce que Johnny. Metek PD, t'as Stromae, tu te demandes quelle est sa culture de base entre hip-hop, congoïde, américaine, tougher, rave party. Enfin, tu te demandes d'où il vient, boboïde, hipster. C'est un espèce de combo de tout, tu vois, ça te donne une chiasse pas possible. Enfin, Stromae, les gens peuvent bien aimer, il a fait 2-3 tubes, je sais pas, moi, pour moi, c'est vraiment de la merde, tout ça. Ouais, mais tu vois, l'idée, là, c'est quand même vrai, hein. C'est-à-dire que le rock qu'il a importé, il est influencé par le blues, qui est en partie noir, seulement en partie, hein, parce qu'il y a aussi un blues sudiste de white trash. Hein. Mais c'est marrant parce que le rock dans toute sa diversité est une fraction un peu qui est populaire et marginale en même temps qu'est le métal, ça reste quand même le dernier repère des blancs, quoi qu'on puisse penser de la musique, hein, je ne sais plus qui a dit une fois ici, je crois que c'est Poro, que c'était une musique de débile, le métal, il disait ça reste quand même métal, ouais non mais en fait, le rock, le métal et tous ses dérivés, parce que le métal, c'est quand même un dérivé du rock, c'est le dernier repère des plans. D'où la frappe au Bataclan, d'ailleurs. Bah, bien sûr. Oui, bien sûr. Je vais vous le citer, là, parce que ça va nous donner, ça va nous permettre de regarder, en fait, l'intérieur de ce qu'est le showbiz. Tel que les gens ne le voient pas, enfin tel que les gens comme nous ne le voyons jamais, mais qui vaut le coup d'être présenté. Et c'est en fait c'est Johnny Hallyday qui l'exprime. Je vous donne juste une citation. Hein. Et voilà. Alors je me dois de par honnêteté de citer l'origine. C'est cité par égalité-réconciliation.fr, donc le site d'Alain Soral, qui a eu la présence d'esprit de donner cet élément. Je pense que c'est un élément autobiographique, d'ailleurs. Alors, citant Johnny Hallyday, je pense que c'est un élément d'un livre sur lui, mais qui a un caractère autobiographique, quoi. « L'impression d'être un survivant ne me quitte plus guère. » Donc ça, c'est en 98, apparemment. « Il reste Mick Jagger et moi. » Bon, il exagère un peu, là. « Les autres, certains sont devenus relativement tôt des petits bourgeois. » Ils se sont abonnés aux sucreries. Ceux qui ont mené notre vie, je les connais bien, ils sont devenus des légumes. Ils sont finis et ils ont disparu. Mon ami Jimi Hendrix, mort. Brian Jones, que j'avais rencontré dans une boîte de Soho, ne sachant plus qui il était ni qui étaient les autres, mort. Et moi, je suis comme ces grands malades qui ne se battent plus que pour ne pas mourir. On ne peut pas faire ce métier si on est normal. Il y a longtemps que je ne me sens plus, que je ne me sens pas comme les autres. Il faut que j'aille mal pour savoir que je pourrais aller bien. Dès que la nuit tombe, je suis angoissé. C'est pour ça que je sors toutes les nuits. Je n'aime pas danser. On n'entend dans les boîtes de nuit que de la musique naze, bombardée par des haut-parleurs, mais c'est le seul moyen de ne pas être seul. J'ai peur de la mort. Mourir dans l'action ne me fait pas peur, mais la certitude de l'échéance inévitable est effrayante. Attendre quelque chose qui va arriver, je crois que c'est le pire. La nuit, je dors une heure et je me réveille en nage, comme si je sortais de ma douche. Et l'enfer de la nuit commence. La peur. Dans l'absolu, mon rêve, c'est d'y passer violemment, sans m'en rendre compte, comme James Dean. Donc ça, c'est le mec dans les années 90, il est déjà... Vous voyez, c'est lourd, quoi, vous voyez. C'est pour ça que les gens ont des... sur les stars, surtout les stars du rock, ont des a priori en se disant ils ont plein de blé, ils s'éclatent, ils s'amusent, c'est la fête, ils ont des nanas, etc. Non, ils ont de la drogue, ils ont de l'alcool, ils ont des nanas, mais c'est en fait juste pour oublier le problème fondamental qui est le leur, qui est comment je fais pour gérer le fait que tout le monde me regarde. Ben, évidemment, ça c'est le... Ça, c'est d'ailleurs la folie des gauchistes qui sont des matérialistes. Donc les gauchistes sont persuadés que finalement, comme les bourgeois de droite qui critiquent, ils sont persuadés que l'argent fait absolument le bonheur. Or, le taux de suicide chez ces gens du showbiz, c'est le plus élevé. Il est plus élevé que chez les flics confrontés à la racaille urbaine. Il est plus élevé que dans n'importe quelle profession. Et en réalité, ces gens souffrent d'une solitude pas possible. Ouais. Ils sont enfermés déjà. Bon, quand t'es pété de thunes, tes rapports sont très faux parce que t'es entouré que de parasites finalement. Et les plus malins arrivent à te faire croire qu'ils sont tes amis. Et c'est la seule différence entre eux et ceux que t'as rejetés, c'est qu'ils sont plus malins que les autres. Mais les vrais amis, si tu veux, ils peuvent plus te suivre. De toute façon, t'es tellement embarqué dans une vie qui dépasse l'entendement pour un être humain lambda. De toute façon, tes amis peuvent plus te suivre, ça c'est une certitude, quoi. Donc, tu sais, les amis de ton village, machin, donc le pauvre Johnny, il se retrouve avec tout un tas de fiottes, de merde, dans le showbiz, en train de se droguer, en train de se camer, une vie, tu sais, à 100 à l'heure, quoi. De toute façon, il est obligé de se camer, quoi. Et tout ça, c'est des parcours de suicidaires, quoi. C'est vraiment de la merde. Et de toute façon, là, à ce niveau-là, les chrétiens ont une vision de l'argent bien plus réaliste, quoi. Comme étant l'argent un élément corrupteur. Alors évidemment, il en faut dans le cadre de la survie, quoi. C'est-à-dire, il en faut pour ne pas se faire bouffer par les autres. Donc il faut de quoi avoir un logement, de quoi avoir un véhicule, de quoi avoir un peu... Mais cette espèce de course vers le succès, l'argent, le pouvoir, les trois combinés, quoi. C'est ça, c'est les trois de toute façon vont ensemble. Après, selon la profession, lui c'est dans le showbiz, mais tu vois, il aurait très bien pu faire son rock pour ses copains dans le bistrot du coin, tu vois. S'il en est arrivé là où il en est, c'est qu'il voulait être une star. Cette volonté d'être une star, c'est quelque chose qui habite des âmes vides, des êtres vides, quoi. Et c'est pour ça que c'est le bal des vampires, cette merde. Le showbiz, vraiment un truc de vampire, quoi. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont des gueules de mort-vivant, y compris Johnny à la fin, qui était vraiment encore plus dégueulasse que David Rockefeller ou des gens comme ça, hein. Vraiment les yeux rouges, tout bizarre. Regardez sa gueule à la fin, on peut faire facilement une... du complotisme et parler de reptilianisme là-dessous, hein. en ayant pris ce que Johnny a pris, quoi. Ouais. C'est sa chanson, hein. L'envie d'avoir envie. Alors, la chanson n'est évidemment pas écrite par lui, écrite par un juif qui s'appelle Goldman, mais il dit très très bien, la chanson est assez belle d'ailleurs, que quand t'as tout connu, t'as plus goût à rien. C'est-à-dire qu'il avait des femmes par milliers, de la coke par conteneur entier, des bouteilles de whisky qui s'en enfilaient, enfin c'est de la folie, hein. Je crois qu'il tournait à deux bouteilles de whisky par jour à sa plus glorieuse époque. Donc ça a fait une coquille, c'était un peu une coquille creuse en fait, à un certain moment. Et ouais. Je pense qu'il devait être quand même sacrément costaud pour survivre comme ça, malgré tout le pognon qu'il a eu. Parce que Il y en a quand même une paire de mecs qui ont eu son train de vie, les John Bonham, les Jimi Hendrix. Bon, ils ont fini morts dans leur vomi ou morts d'overdose. Lui, il a survécu. Il y a que deux types comme ça. C'est Lemmy Kilmister, qui est mort il y a deux ans, décembre 2015, le chanteur de Motorhead, et Johnny Hallyday. C'est les deux seuls qui ont survécu à, comme ça, des années et des années d'excès, qui sont quand même deux types, enfin, au faciès. Bah, c'est intéressant. Comment dirais-je? Keith Richards. Mick Jagger. Ouais, non, je pense que Mick Jagger est plus lisse. Richards, par contre, lui, ouais, son, lui effectivement. Ouais, c'est une sacrée éponge. Hein. Bon, là, en ce moment, on voit beaucoup d'images, du coup, on s'en rappelle, mais avant, on pouvait même pas s'imaginer que Johnny avait été beau un jour, quoi. Johnny, il était vraiment pas laid quand il avait 30 ans. C'était pas loin, enfin, pour les femmes qui aiment les blonds, ça devait pas être loin d'un Alain Delon blond, quoi, tu vois, et rocker, quoi. Mais il avait pas du tout, enfin, ouais, il y a vraiment été très très fort, quoi. Mais bon, il devait avoir un meilleur médecin que ses... Non, c'est une constitution, c'est une constitution. C'est-à-dire que le type s'est aligné la gueule, etc. Mais le mec était tellement costaud. Si tu veux, que là, c'est la génétique. Là, tu vois, c'est-à-dire que le type, il aurait rien picolé. Bon, il aurait fait ses 90 ans, mais 95 ans, mais bon. Tu vas dire à un rocker, écoute, gars. Tu fais ta vie d'excès, de trucs, de machin, de musique, de femmes, de machin. Bon, mais tu crèves à 75 ans. Par contre, t'es au pain sec et à l'eau. T'es au pain sec et à l'eau, mais tu vis jusqu'à 95. Le rocker, il dit, oui, j'en ai rien à branler de tes 95 ans. Moi, je vais m'éclater. Et puis à 75 ans, merci, au revoir. Quoi, tu vois. Bah ouais, voilà. C'est... Bon, voilà, mais le Johnny, il a quand même, il était à l'image du truc, hein. C'était pas de quartier, quoi. Par contre, il dit, c'est marrant, en fait, ça c'est intéressant dans ce qu'il dit, c'est, je suis un miraculé, en fait. T'as un peu l'impression d'un mec, toi, il revient de Verdun, puis il sait pas trop pourquoi il est là, tu vois. Il dit, bah non, j'aurais dû crever à 35 ans, comme tout le monde, tu vois, d'une overdose ou bien d'un arrêt cardiaque ou d'un truc sordide, tu vois. Et je suis toujours là, je sais pas trop pourquoi. Et du coup, le type continue à jouer, tu vois, à faire de la musique et tout, mais il se dit, putain, ouais, en fait, toutes les grosses stars du rock qui ont émergé dans les années 60, en fait, ça fait bien longtemps qu'elles ont toutes crevé et qu'elles ont disparu. Mais petite digression, vu qu'on parle d'une méga star, sur cette volonté d'être une star que Johnny avait évidemment et que ont beaucoup de modernes en fait. Chez les modernes, il y a cette volonté de briller au loin. Finalement, tu peux faire un espèce de parallèle avec la volonté de s'occuper des migrants avant de s'occuper de sa famille. Tu vois, c'est finalement tu te pencherais sur le parcours de toutes ces stars, tu te rendrais compte que ce sont quasiment tous d'ignobles fils de pute avec leur famille, qui sont tous divorcés 5 fois, qui sont tous été des mauvais darons. Enfin, c'est prouvé pour quasiment toutes les stars. Et en réalité, c'est l'attention portée au lointain, c'est-à-dire l'échange d'énergie, l'échange de vie, quoi. L'échange de, appelle ça comme tu veux, mais on va dire l'échange d'attention ne se porte plus sur ton prochain. Il y a une espèce de distorsion du naturel, quoi, une inversion même du naturel carrément, et l'attention se porte sur le lointain. Donc vu que tu ne brilles plus autour de toi, vu que tu n'es plus brillant aux yeux de tes enfants, tu n'es plus brillant aux yeux de ta femme, tu n'es plus brillant aux yeux de tes parents, aux yeux de personne, bah tu as la volonté de briller. Alors maintenant, avec Internet, ça se concrétise avec tous les tous les Snapchat, les petites connes qui vont prendre un truc. Donc maintenant, on en est avec Internet à une massification de cette volonté d'être une star. Bah c'est il y a même des émissions. Enfin, Starman, je sais pas, moi je connais pas les noms des émissions, mais des émissions où le but c'est juste de devenir une star, quoi. Et c'est incroyable, enfin, c'est vraiment le enfin, moi je vais pas parler de satanisme parce que sinon je vais me faire traiter de taré de cato, mais bon, on en est pas loin quand même, quoi. Et ouais, on a passé ça vaguement, mais les. On a parlé la semaine dernière des boomers, hein. Permettez-moi d'y revenir un petit peu. Mais cette génération-là aura passé sa vie, en fait, hein, depuis qu'ils ont commencé à sévir. Ils nous ont importé des nègres, en veux-tu, en voilà, l'antiracisme et compagnie. Et ils finissent tout ça, tout du long, en dansant. Voilà. Ils s'agitent la tête, ils s'agitent les jambes. Et à la fin, ça finit que ça s'agite le fion. Dans une église, ça, voilà. Sur l'épitaphe, la génération 68, mais ils ont dansé. Voilà, c'est super. Hein, quel bel apport à l'humanité, quoi. Ils ont apporté des nègres et ils ont dansé. Merveilleux, merveilleux. Ouais, c'est. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, ouais, effectivement. Ouais, c'est. Mais on est à une phase cruciale, hein, quand tu vois les blancs qui dansent, etc., la Madeleine et machin, mais des mecs font comme s'il se passait rien, comme si c'était rien passé en 50 ans, comme si, je suis d'accord avec toi, quoi, c'est, il y a le côté, on va passer un bon moment, et voilà, mais bon. Allez, on va manger une couscous chez moi, Ahmed, on va passer un bon moment. La musique, bien. Alors je sais pas pour Johnny. Non, excuse-moi, Derek. Non, vas-y. Je sais pas pour Johnny, je connais pas bien sa discographie, mais même un chanteur comme Sardou, qui est pourtant pas une fiotte au même titre que les Vianney et ceux dont vous parliez tout à l'heure, là, qui nous polluent les oreilles actuellement, mais le rapport homme-femme est totalement disproportionné, quoi, par rapport à, par exemple, si tu compares à Brel et tout ça. Bon, Brel, t'avais peut-être deux ou trois chansons de fiotte, comme Ne me quitte pas, c'est des espèces de chansons de déjà un peu du mec paumé, mais t'avais des chansons comme Les copains d'abord, Sur les cons, sur plein, tout un tas de sujets. Sardou, c'est pareil, tu vois, t'as vraiment 100 000 sujets chez Sardou, quoi. Vraiment, le rapport entre un subordonné et son chef militaire, entre un... Enfin, en bref, je vais pas tous les énumérer, mais tous les rapports qu'on peut avoir entre un employé et son patron, enfin, il a fait également, effectivement, le rapport homme-femme. Il a fait, mais bon, pour Sardou, c'est pas non plus surjoué, parce que Sardou, je crois qu'il a eu 5 femmes. Donc lui, c'est normal qu'il ait fait beaucoup de chansons sur les femmes. Apparemment, ça le torturait, quoi. Mais là, aujourd'hui, ce que tu disais, la énergie, toutes ces saloperies, les Lara Fabian et tout ça, vous regardez, c'est sur un album, il y a 9 chansons sur 12. Sur 13, qui tournent autour du rapport ouais. Homme-femme, c'est des « je t'aime », c'est « tu me mens », »,« tu ne me quittes pas », mais c'est ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Alors, il y a... J'ai un petit peu... Non, mais j'ai envie d'un peu d'enchaîner, parce que... Enfin, je vais pas rester sur Johnny Hallyday, bien sûr. J'ai envie de... Enfin, c'est le phénomène culturel, quoi, et au final, ça se termine dans un truc assez glauque, effectivement. Enfin, franchement, c'est sinistre... La fin de Johnny Hallyday, parce que c'est même pas une cérémonie digne, comme tu l'as dit. Bah, déjà, oui, avec oui, une cérémonie indigne entre les Juifs. Voilà, Non, bon, y a tout. Et puis en plus, faut voir les témoins de moralité, quoi. Genre Patrick Bruel, Jean Reno, pourquoi, comment. Ouais, on sait pas, quoi, tu vois, genre, ils sont là, bon truc. T'as la bonne femme, on sait jamais que la quatrième. Voilà, oui, c'était la bonne. Ah bon, c'était la bonne, oui, après la cinquième. Oui, comme dirait l'autre, la dernière femme, c'est toujours la bonne. Tu vois, bon, c'est quoi, c'était pas Landru, ça, non? Mais c'est complètement con. Je veux dire, c'est complètement con. Bon. Et alors, bon, il a adopté, comment dirais-je, de Niakoué sur le truc. Bon. Bon, alors maintenant, on t'afflige de ça, et puis alors t'as Sarkozy, là, le vieux crapaud, il est posé sur son truc, et puis à côté de lui, t'as Hollande, alors les deux peuvent pas se bouffer, mais bon, ils sont quand même assis côte à côte, et truc, puis alors, on fait semblant... Il y avait Gérard Larcher aussi, il avait très faim. Oui, voilà, c'est ça, c'est, tu vois, alors lui qui revenait de prendre une partie de chasse avec je ne sais pas quel diplomate, il est là, il est arrivé, bon, il devait regarder sa montre en disant, putain, il faut pas que je le blanterai, parce qu'à 19h, hein, voilà, tu vois... C'est quand même assez flippant, quoi, je veux dire, t'arrives là-dessus, et puis en fait, derrière, t'as tous les autres, mais les gens qui comptent, c'est-à-dire les beaufs, ce que les autres considèrent comme les beaufs, c'est-à-dire le peuple. Et le peuple, lui, il est sincère, en fait. Et les enculés étaient dans l'église. Et les gens bien, entre guillemets, étaient dehors. Et je ne peux pas manquer, quand même, de soulever le propos de Jean-Luc Mélenchon. Parce que, tu vois, je veux dire, quand t'es une petite frappe, parce que lui, c'est vraiment la merde. Mélenchon, c'est... Il faut voir ce type. Je vous invite à regarder des vidéos en ligne de Mélenchon, l'homme du peuple, 30 ans sénateur, permanent du Parti Socialiste, enfin vraiment la caricature. Le type, il va au contact comme ça, il te met sa poitrine sur ta poitrine et il te regarde en face comme ça. Cet enculé là, il a quand même réussi le moyen, enfin il a quand même trouvé le moyen de chier le jour des obsèques de Johnny Hallyday, dont par ailleurs chacun pensera bien ce qu'il voudra. Voici ce qu'il a dit, cet enculé. Mais je suis obligé de vous le dire, parce que pour moi, c'est stratosphérique, ce truc. Voici ce qu'il dit. Samedi, jour anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité de l'État. Le président de la République, chanoine de Latran, il bloque beaucoup sur l'histoire du chanoine de Latran, ça le bloque, ça, participe à une messe dans l'église de la Madeleine. Monument religieux contre-républicain où la prostituée de l'évangile implore le pardon du Christ. En face, l'Assemblée nationale. Les rues qui mènent à ce bâtiment portent des noms des avocats de Louis XVI et de Marie-Antoinette. On voit ici ce que vaut la laïcité républicaine de certains. Rappelons que Clémenceau, vainqueur de la Grande Guerre, refusa d'entrer à Notre-Dame pour le Tédéum de la victoire. Mais là, évidemment. Alors, je vous laisse méditer sur les propos du mec. Et justement, on a peut-être une leçon à recevoir de ça. Macron obéit à la gauche, mais pourquoi ? Comment ça se fait, ça ? Bah, peut-être qu'on devrait en tirer des leçons. Hein. Comme tu disais à BFM TV, ils disent... Il va prononcer le discours dehors pour ne pas susciter de polémique. Rêve du jour où à BFM TV, on nous dira les flics ont déporté 150 nègres pour ne pas susciter de polémique. Pourquoi est-ce que c'est pas nous qui avons le monopole de la pression sociale Ça se reprend, ça. Ça se reprend. Moi, je rêve du jour où ce sont les blancs qui feront la loi dans la rue. Alors, je vous appelle pas à la violence, ou en tout cas, pas explicitement, quoi, pour pas risquer de me retrouver en prison, mais enfin... À bon entendeur, salut. C'est vrai, c'est vrai. Et à propos de Mélenchon, justement, une petite remarque. Mélenchon est né le 19 août 1951. C'est dans 68 heures. Ouais. Ah oui, il fait 1m74, au fait. Non, mais en fait, de toute façon, ce mec est espèce de caricature sectaire, haineuse... Les types qui font des pétitions pour déplacer les croix qui sont dans l'espace public. Ça. Voilà, c'est ça. C'est les pires teignes. Hein, c'est les pires teignes. C'est les pisse froids de 80 balais, tu vois, nostalgiques, tu vois, des hussards noirs, quoi, qui sont dans l'autisme. Enfin, pour moi, un mec comme Mélenchon, là, il fait preuve, il est sénile. Il est sénile, c'est-à-dire que c'est pépé, il trouve plus sa bite, il sait plus où il est. Comment quoi, les hussards noirs, hein, voilà. Il en est là, Mélenchon. Non, non, non, il est beaucoup plus malin que ce que tu penses. Hein. Le vent tournera, il saura très très très bien quoi faire. Il sera très non, mais il est déjà très clérical. Il est déjà très clérical. Il est très clérical déjà, Mélenchon. Avec les musulmans, il est très coulant. Il dit qu'il faut arrêter de persécuter les gens qui sont... Voilà. Ah, lui, je sens que pour défendre la laïcité, il est prêt à faire une petite chiade. Enfin, bon. Je me demande si j'ai vu autre juif dans une cathédrale depuis bien longtemps. Hein. C'était très... On aurait pu faire la chose dans une synagogue. Ça aurait pas... Ça aurait fait plus ton sur ton. Attendez les obsèques de Nicolas Sarkozy, vous serez déçus. Comment dire pour finir, je vais me faire prophète. Voilà. Avec Johnny Hallyday, c'était la fin pratiquement de la France deuxième moitié du XXe siècle. Quand Chirac sera mort, ça sera terminé définitivement. Donc, prenez vos carnets, notez la mort de Chirac. Alors, attention, là, hein, sera... parce que c'est l'année des J, et la semaine dernière, on a fait une émission sur les vieux, il y en a deux qui ont passé l'arme à gauche. Donc là, tu ne deviens pas prophète. Si, prophète, Jacques Chirac, et quand Jacques Chirac sera mort, là, ça sera officiel, la France du XXe siècle sera morte, ça sera la France de la diversité, la diversitude, la France Macron, la France bougnoulisée, la France des nègres, la France des hipsters, des gauchistes progressistes. Des PD et des travolos. Voilà, des trucs les plus... Voilà. Voilà, et malheureusement, les gens vont les regretter. Hein. Aussi, même si c'est eux qui nous ont mis dedans. Paradoxe. À la semaine prochaine, chers amis. Salut. À la semaine prochaine. Les bras qui se lèvent pour un dieu qu'il ne voit pas. Moi, tu me rends plus fort chaque jour, sans dieu ni loi. Innovation Optique 2000. Collection IGOM à branche tournante, 99€ seulement. Parce que moi je suis antiraciste.